Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. J'étais saisie à l'égard de la photographie d'un désir ontologique, écrit Roland Barthes dans La Chambre claire. Je voulais à tout prix savoir ce qu'elle était en soi, par quels traits essentiels elle se distinguait de la communauté des images. Un tel désir voulait dire qu'au fond, en dehors des évidences venues de la technique et de l'usage, et en dépit de sa formidable expansion contemporaine, je n'étais pas sûre que la photographie existât, qu'elle disposât d'un génie propre. Savoir si la photographie avait un génie propre, ce qu'elle était en soi, c'est peut-être, après tout, ce que cherchaient eux aussi les ateliers de création radiophonique en 1980, en lui consacrant deux grandes émissions. On y retrouvait quelques-uns des plus grands noms de la photographie, Brassailles, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau et Willy Ronis, entre autres. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique par Jean-François Chevrier, Bertrand Ferriot, Brigitte Legard. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Nicole Pascot, Marie-France Thivault, Yvette Tucheban et Daniel Co, Patrick Martinache. Lecture par Juliette Berthaud et Daniel Mesguich. Radio Photo 1, à suivre. Mais moi, je ne sais pas ce qui m'est pris. Je ne comprends toujours pas, d'ailleurs, pourquoi j'ai fait de la photo. Parce que rien, j'ai eu une enfance heureuse dans une ferme. Mes parents étaient vraiment très attentionnés auprès de moi. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse et j'étais très, très heureux. Et très jeune, j'ai voulu faire de la photo ou du cinéma. Je ne savais pas bien. Et j'ai commencé à m'installer dans le grenier de ma ferme, de la ferme de mes parents, un labo, à être complètement absent et... J'étais pas là, j'étais pas là. Radio Photo 1, à suivre, avec Jean Adhémar. Présent. Yves Aubry. Présent. Esaïas Beitel. Présent. Georges Brassailles. Présent. Roselina Burie-Bischoff. Elle est là. Henri Cartier-Bresson. Présent. Jean-Philippe Charbonnier. Présent. Henri Clark. Oui. Pierre de Fenouille. Présent. Raymond Depardon. Présent. Claude Raymond Dit-Yvon. Oui. Robert Doisneau. Présent. Simone Erard. Elle est là. Michel Frisot. Présent. Agence Gamma. Elle est là. Pierre Gassman. Marie-Vonne Gillotte. Elle est là. Hervé Gloagen. Oui. Harry Gruyart. Oui. François Herz. Présent. Paul Jay. Présent. André Kertesch. Présent. Rosaline Krauss. Elle est là. Jean-Dominique Lajoux. Présent. Jean-Claude Lemagny. Oui. André Martin. Oui. Frédéric Proust. Présent. Guy Le Querec. Présent. Willy Ronis. Présent. Peggy Silphone. Elle est là. Studio Vogue. Présent. Lee Witkin. Présent. Charles Baudelaire. Présent. Le peintre de la vie moderne. Présent. Walter Benjamin. Présent. Douglas Davis. Présent. John Tcharkovsky. Présent. Monsieur Vey. Absent. Éclair sphérique. Pour l'emploi, suspendre le paquet au moyen de la ficelle, après un clou, un bâton ou tout autre objet. Allumer la mèche avec une allumette, l'inflammation se produit après quelques secondes. Attacher une ficelle dans le trou du sachet, le suspendre dans l'extrémité d'un bâton ou d'un clou, allumer avec une allumette l'extrémité de la mèche en papier, s'éloigner aussitôt. La mèche brûle et enflamme le sachet après quelques secondes. les thèses de Walter Benjamin qui prétend et qui dit que la photographie est un multiple usage, enfin c'est un moyen d'expression qui n'est pas comme une peinture ou un dessin, un original, une pièce unique. C'est au fond un art démocratique qui est là pour se multiplier. Je trouve le développement de la photographie, comme nous le voyons maintenant, les années 70, a un autre aspect encore qui va au-delà de ce que Benjamin a vu pendant les années 30. Parce que la photographie est bien un négatif duquel on peut tirer maintes tirages. Roselina Buribichoff. De ce point de vue, ça reste la même chose. Mais qui c'est qui tire ce tirage? C'est le photographe qui, dans sa chambre noire, donne une interprétation tout à fait personnelle et artistique, si vous voulez, à son tirage. Alors donc, le négatif est une chose. Le tirage manipulé par le photographe en est un autre. Ça vient presque à un tirage original. Alors là, s'il a vraiment travaillé son tirage, il a le droit, je trouve, de le signer, de dire, voilà, ça c'est mon tirage. C'est personne d'autre qui peut l'interpréter comme ça. Alors de ce point de vue, je fais une petite critique à Benjamin que la photographie a fait un pas. Dans notre entreprise, par exemple, j'ai un département photographique dans le musée des Beaux-Arts. J'ai donc essayé de faire entrer la photographie au même niveau que les autres arts, surtout les arts graphiques, mais pas de photographies qui ont été faites par un labo mécaniquement. Il faut bien comprendre qu'il faut la main de l'artiste, du photographe, pour pouvoir donner cette originalité au tirage. La photographie entre, enfin dans le musée, elle entre parmi les autres arts et elle a le même statut que les autres arts. Je ne dirais pas tout à fait encore, mais enfin, je dis même, la photographie est entrée par la porte derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu par les artistes qui ont pris une caméra, par les hyper-réalistes qui se sont servis d'une technique qui ressemble à la photo, qui se sert de la photo, du pop art. Alors, le terrain était à peu près préparé déjà par les autres artistes. La photo tombe bien en ce moment pour vraiment donner un autre envoi enfin, artistique. Et dans ce sens, je trouve qu'elle est acceptée, enfin, chez nous, elle est acceptée comme telle. Vous n'avez pas le sentiment que, justement, actuellement, la photographie est en train de supplanter les autres pratiques artistiques visuelles? Non, parce que je trouve la photographie un moyen d'expression. Ce qui compte est toujours l'artiste derrière la caméra. Et dans ce sens, la caméra sert de pinceau, sert de crayon. Elle est juste un moyen pour s'exprimer. Ce qui est important, c'est l'homme derrière. On l'appelait photographe, on peut l'appeler artiste. Du moment qu'il a quelque chose d'original à dire et à exprimer, pour moi, c'est pour ça que je trouve très, très important de dire aussi que les lignes ne sont plus tellement claires. Les frontières ne se font plus comme jadis. Les lignes sont floues. Enfin, c'est quelques idées, vous allez couper. La première qualité d'une preuve de reportage ou pour publication, c'est d'être à l'heure. Pierre Gassman. Une photo qui arrive une heure trop tard, c'est une photo qui peut aller à la poubelle. La deuxième qualité doit être d'être adaptée à la chaîne de reproduction dans laquelle elle va être utilisée. C'est la deuxième. Et sa dernière qualité, et très souvent même contradictoire, elle peut très bien ne pas plaire au photographe tel qu'elle est, puisqu'elle va lui plaire une fois reproduite. Donc elle n'est pas l'expression du photographe de tout. C'est une espèce de sentimentalité, de l'illogie, du capitalisme. C'est pour ça que les critiques insistent sur ce point, qu'il y a cet individualisme, cette liberté. Mais c'est faux. Je me rappelle mon expérience au journal Ce Soir, entre les deux guerres, dans les années 37 par là, quand j'ai découvert qu'une belle épreuve ne vaut rien pour les clocheurs. une preuve pour les clicheurs ne plaira ni au photographe ni au rédacteur. Et on avait élaboré une petite combine avec les gens du clichage. Quand on nous faisait tirer les photos de Capa, de Chimo, d'Henri pour la rédaction, on envoyait une épreuve à la rédaction, la même que le photographe pouvait voir et qui était très belle, et on tirait une deuxième épreuve pour les clicheurs. Et la clicherie nous téléphonait le choix des photos de la rédaction, on leur envoyait les épreuves correspondantes. Ceci devenait d'autant plus important que dans l'après-guerre immédiate, on se trouvait devant une multitude de procédés d'impression, offset, typo, héliogravure, de qualité différente. Chaque imprimeur avait ses normes de gravures ou d'impression. Et nous étions amenés de faire des épreuves sur mesure. Il fallait donc oublier le jugement du photographe pour ne penser qu'après gravure et impression, qu'est-ce que deviendra cette image. Ce qui compte, c'est l'image imprimée. Lee Witkin. In 1968, I wanted to open a gallery. En 1968, je voulais ouvrir une galerie. I saw some shows at the Museum of Modern Art, a Paul Caponegro show, Henri Cartier-Bresson show, and in a very naive way, I looked at the photographs that were framed on the walls of the museum, and I said, these would be nice to have on my walls. And I thought that there should be a gallery that sold original photographic prints. So the gallery it's a surprise. Le succès fut une surprise pour tous. People thought I was crazy. Et les prix ont suivi. Opening a gallery to sell photographs, they couldn't understand why anybody would buy a photograph. So the 10 years have gone from one extreme. Le Moonrise d'Ansel Adams. To the other passe extreme, de $150 à plus de $7,000 maintenant. Perhaps in the price of one image like Ansel Adams' Moonrise, which was $150 when I started, and is now over $7,000. That kind of extreme, the two extremes that are reflected in that price. Il faut tout de même pas transformer un procédé qui se caractérise par le fait qu'il est l'art du multiple Yves Aubry. Et s'acharner à vouloir en faire l'art de l'unique parce que, évidemment, pour que ça prenne une valeur maximale, il faut que la photographie revienne au domaine traditionnel de la spéculation. Donc, par avoir réussi à passer de l'unique, qui était le début de la photographie avec le daguerréotype, à un multiple parfaitement maîtrisé et vouloir le nier pour revenir à l'unique et à sa propriété sans jeu de mots, je crois que c'est ça qui est grave à l'heure actuelle et qui ne nous intéresse pas du tout parce que, en fait, c'est un faux débat. 1851 est le moment, à peu près, où en France, les photographes ont employé le négatif. Le négatif avait été inventé en Angleterre par Fox Talbot. Mais en France, c'est Daguerre et le daguerréotype qui a dominé pendant 10 ans, entre 1840 et 1850. Or, le daguerréotype n'existe qu'à un seul exemplaire, il n'était pas possible de tirer diverses épreuves. La notion même d'authenticité n'a aucun sens pour une reproduction, technique ou non technique. Mais en face de la reproduction faite de main d'homme et considérée par principe comme un faux, l'original conserve sa pleine autorité. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la reproduction technique. De la plaque photographique, on peut tirer un grand nombre d'épreuves. Il serait absurde de demander laquelle est authentique. Mais dès lors que le critère d'authenticité n'est plus applicable à la production artistique, toute la fonction de l'art se trouve bouleversée. Au lieu de reposer sur le rituel, elle se fonde désormais sur une autre forme de praxis, la politique. Walter Benjamin. Des dizaines d'années plus tard, il est clair que Walter Benjamin a sous-estimé, comme le font beaucoup de marxistes, la force du principe de consommation dans le capitalisme, qui n'est pas, comme le marxisme, une idéologie, mais un instinct. Le collectionneur se satisfait d'un tirage original ancien et célèbre, non numéroté, parce que rares sont les photographes classiques, dont le nom représente une valeur à avoir tiré beaucoup d'épreuves eux-mêmes. Quant aux photographes plus récents, ils sont prêts pour se conformer aux impératifs du marché, à limiter le nombre de leurs tirages, voire à détruire leurs négatifs. Et le marché est sauf. Douglas Davis. Value is a very arbitrary thing. I mean, what is value? Value is created by people. So what's happened is that the photograph is now just est une chose arbitraire. Ce qui est important, c'est l'objet. The object is important. It's always meaningful if the print is made by the photographer for just the mystique of the hands touching the print. An object that l'objet that has que l'artiste been doit avoir touché de ses mains. By the artist, to a collector. I have a lot of collectors who will not buy anything that the photographer hasn't printed. Je connais des collectionneurs qui n'achèteraient pas une épreuve que l'artiste n'aurait pas tiré lui-même. So you have to settle for a print made by somebody else. But the print has the actual object has a fascination. It differs. Every car print il ne s'agit is a pas different. Du tout d'un procédé mécanique. Signature is very important. Yes, it is not a mechanical thing. Anyone who collects, there is a passion for the mystery of the actual object, the original object. Après tout, la photographie était inventée pour la multiplication de l'image et pour le fait que, contrairement à la lithographie, on pouvait dans un même négatif tirer un nombre incalculable, je ne dis pas illimité, mais incalculable d'épreuves sans abîmer l'original. Et l'original, pour moi, il n'y a qu'un seul original, c'est le négatif. Si Hatchet nous a laissé les plaques que nous avons, ce sont des plaques 18-24. Il ne faut pas oublier qu'il les a fait avec un appareil très lourd, avec une technique extrêmement élaborée, redressement de toutes les lignes, contrebalancement de l'optique, si bien que beaucoup des plaques ont des vignettages dans les coins. Si, en dépit de tout cela, il a laissé ses plaques remplies de détails, des finesses, des dessins graphiques, c'est pas quelqu'un qui appuyait sur un appareil 24-36. Et si nous trouvons plusieurs plaques de la même scène ou de la même architecture fait délibérément à des heures et des jours différentes, c'est qu'il cherchait tous les détails. Que nous ne le trouvions pas dans ces épreuves, c'est un accident technique de procédé qu'il utilisait pour les tirages et qui était le seul qu'il connaissait. D'une part, et d'autre part, l'effet que les hautes lumières ont jauni et les détails dans les ombres se sont éclaircis. De là, cette douceur trompeuse, romantique de la vieille épreuve, mais qui manque totalement du dessin des détails de ces plaques. Quand j'ai vu les plaques, j'étais d'abord frappé par la richesse des détails et les dessins graphiques de ces plaques, et qui correspondent nullement aux épreuves que nous connaissons et qui sont les fameux vintage prints qui se promènent dans toutes les collections du monde. Il y en a plus de 20 000 dans le monde, mais qui sont tous en train de s'abîmer ou sont déjà complètement abîmés. C'est l'admiration des vieilles ruines qu'on pratique. Mais nous avons les plaques originales et nous pouvons faire la photo pour laquelle Hatchet a passé tant de temps derrière son appareil. J'ai commencé comme photographe sur un. Enfin, j'ai toujours été photographe de presse et disons reporter photographe, mot qu'on n'use plus tellement maintenant, mais qui figure sur la carte de presse il y a un petit temps. Reporter photographe. Vraiment de pardon. Maintenant, on a appelé ça d'autres noms, venant un petit peu de l'Amérique et de l'Angleterre, c'est-à-dire photojournaliste, photographe concerné. Enfin, donc moi, j'étais surtout reporter photographe. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ma préoccupation primordiale, c'était que mes photos soient publiées. J'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, et j'ai été tout de suite catapulté comme ça dans le monde, dans le grand reportage à 18 ans, même avant, à 17 ans. Disons que c'était les années 60, c'était un certain journalisme issu d'une génération de photographes qui étaient après-guerre. Disons, ce n'étaient pas exactement les mêmes photographes que maintenant, parce que c'était des journalistes plus. Qui étaient venus à la photographie pour. Certainement pas pour de la photographie même. Les milieux étaient plus scindés, c'est-à-dire il y avait les journalistes photographes, les reporters photographes, qui travaillaient pour les journaux, pour Paris Match, pour des illustrés qui existaient après-guerre. Et puis il y avait une élite extrêmement réservée, disons on peut dire magnum, mais qui était une élite privilégiée, parce qu'il y avait relativement peu de gens qui pouvaient se permettre de travailler, de voyager. Sans gagner vraiment d'argent. Même des photographes comme Doisneau, comme Cartier-Bresson est une exception, même des photographes comme Marc Ribou étaient vraiment un tout petit nombre. Donc si on voulait être photographe, et moi c'était mon cas, il fallait donc passer par le reportage photographique, journalistique, et presque, disons, même par un certain aspect qui était à cette époque-là répandu, c'était le photographe de aller planquer telle vedette, ce qu'on a appelé après les paparazzi. Disons, on m'envoyait sur des histoires qui. J'étais pas très heureux souvent, j'étais obligé d'attendre comme ça. Et c'était dans les années 60, et il y avait une personne qui était très importante à l'époque, c'était Brigitte Bardot. Alors, bon, on m'envoyait sur Brigitte Bardot, j'ai, comme on dit dans le métier, planqué. Brigitte Bardot, un peu de partout. J'étais très malheureux. Je montais dans les arbres. Je faisais des trous dans les greniers. J'attendais des journées entières. J'avais même pas de voiture. J'avais un scooter. Puis j'étais obligé. J'avais pas de choix. Et on disait, faut faire ça. Et alors je ramenais quelquefois des photos. Tout le monde était content. On me félicitait. Et puis, je crois que je ne me rendais pas compte, je ne me posais pas tellement de questions. Je voulais d'abord, il fallait que je vive. Et puis, je voyais, j'étais avec d'autres photographes qui, à cette époque-là, étaient très importants parce que c'était des photographes qui étaient très différents des photographes de maintenant. Ils étaient, disons qu'on. Presque ils frôlaient être des petits voyous, quoi. Ils étaient, on peut appeler ça des marioles. C'était un terme à l'époque, on appelait ça des marioles. C'était des gens qui, pour faire une photo, étaient capables, disons, de faire beaucoup de choses. Ils allaient très loin. Ils étaient rentrés de force dans un immeuble. Ils enfermaient des gardiens. Ils y allaient avec des gardes du corps. Ils étaient capables de beaucoup, beaucoup de choses. C'était une génération qui était un peu perdue, qui était après-guerre. C'était des gens qui avaient donc tout le mythe de l'imperméable, de la voiture de sport, de la belle ferronnière. C'était même un petit peu l'esprit. Et ces gens voyageaient, alors ils ramenaient déjà de l'étranger, de tout ce qu'on peut appeler une mythologie du reporter, le Burberry, la montre Rolex, les chaussures, tout le Leica, enfin, et tout comme ça, un cliché qui restait encore très longtemps et qui demeure même encore hein, sur certains aspects. Et maintenant, c'est autre chose, c'est une carte de crédit, c'est autre aspect. On ne s'occupait pas à cette époque-là de savoir si vous aviez fait une photo qui avait une valeur artistique. Il y a une explosion, une explosion de l'image au XIXe siècle. La photographie va tout envahir. Elle va pénétrer jusque maintenant à l'intérieur de nos salles de séjour, même de nos chambres à coucher. Et sur les murs partout. Mais avant d'arriver là, avant d'arriver dans nos chambres à coucher, elle va couvrir nos fonds d'assiette, nos vases, nos coffrets à bijoux, nos écrins. Elle va dans la montre de son gousset, elle va apparaître dans la montre de son gousset. On va voir le portrait de sa femme ou de sa fille ou de son fils dans une broche agrafée à son corsage, etc., etc. Il y a une image qui existe dans l'histoire de l'art qui est parfaite, mais elle peut être remise en question en permanence par le moindre petit bout de négatif qui traîne et qui dégagera une telle force que vous serez débordé par cette... Pierre de Fenouille. Mais je le vois en travaillant sur la photographie dite anonyme au XIXe siècle. Il y a certaines photos où presque rien n'apparaît, où tout est jauni, mais où tout d'un coup il y a un regard... plus un petit geste. Donc, quand vous regardez intrinsèquement la photographie, elle n'a aucun intérêt. Vous la laissez de côté. Et puis, 48 heures plus tard, cette photographie, vous apercevez que cette photographie est restée dans votre mémoire et commence un peu à trotter dans votre tête, comme ça. Ces images arrêtées, plates, agissent plus comme des images flottant dans nos mémoires que comme des objets. Dans quel format, sur quel support vous sont apparues des photographies mémorables? Je défie chacun de vous de s'en souvenir. À la différence des tableaux, qui sont par définition des objets, les photographies apparaissent et disparaissent sous nos yeux et entre nos mains, sous des dizaines de formes, à travers les journaux, les revues, les instantanés, les reproductions, les diapositives, la télévision, le film, et même, mais c'est le cas le plus rare, sous la forme d'un tirage original de l'artiste. Douglas Davis. Les photographies, je le répète, sont plus par nature des tranches de mémoire visuelle, plus proches donc des instincts les plus profonds en nous-mêmes et dans notre culture que de n'importe quoi d'autre, à l'exception de la vie elle-même. Le sens de l'image photographique est au-delà de sa forme, dans sa dématérialisation. Se rappelle-t-on le format et l'aspect d'un livre qu'on a lu? Oubliez tout le discours qui traite de la technique, de la méthode et des règles photographiques. Voyez le message et non le médium. Oubliez le médium. C'est tellement énorme, comme cette mer d'images qui est déversée est tellement énorme que on ne peut que sortir quelques aiguilles d'une boîte de foin, mais on ne peut pas, pour l'instant, je veux dire, pour ma part, qui suis surtout intéressé par l'impact visuel des images et non pas du tout par une théorie sociologique ou historique, je me laisse vraiment bercer et mon plus grand envie maintenant, ce n'est pas de faire quelques théories, mais au contraire de me laisser ensevelir dans des monceaux d'images, de plus en plus. J'ai envie vraiment de rentrer dans une pièce où il y ait 14 millions d'images, et à la rigueur j'y passerai une bonne partie de ma vie, pas toutes évidemment, mais une bonne partie de ma vie. Et c'est cette profusion et cette confusion et je crois en plus tout à fait le signe de notre temps et qui se retrouve en photographie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la photographie est une approche de la vérité, mais une approche de la vie dans la mesure où il y a cette espèce de flux et reflux, de mouvement, de cadence et décadence qui, à l'état brut comme ça, est déversée depuis un siècle et demi. Alors, Jennifer, again me, I am asking for as fast as soon as possible. All color and black and white material on the car, which hit le mur du son, the sound wall. Je suppose, le mur du son in California today. It is the first news on the radio here. Les magazines qui étaient après-guerre, ne voulant pas reprendre les images qui figuraient dans les quotidiens pour la semaine suivante, avaient besoin de matériel photographique un peu plus en profondeur, plus d'images, un petit reportage visuel. Et se sont créés vers les années 56-58 des agences photographiques de ce style, ce qu'on peut appeler des agences, disons, magazines, qui ont commencé à faire un reportage en 5-6 images et à laisser des photographes, à envoyer des photographes à travers le monde. Et alors, le fait divers et le magazine étaient très liés, ce qui est maintenant complètement écarté, heureusement. Le fait divers, c'était très large, comme Kevin Levental. Ça peut être aussi bien Brigitte Bardot que Soraya, que un meurtre, un fait divers, quelqu'un qui a tué 4-5 personnes. Et ça pouvait être aussi bien aussi la politique, l'Algérie, qui était très importante à l'époque, des tremblements de terre, etc. Alors, ces agences-là ont commencé à prendre de l'importance, et ces photographes-là étaient payés au mois. Et de ce fait qu'ils étaient payés au mois, les photographes abandonnaient leurs droits d'auteur. Nous étions donc salariés, et dans une certaine mesure, nous étions complètement exploités. On était toujours un peu assistés, c'est-à-dire on vous envoyait en voyage, on vous envoyait en reportage, on disait « mon coco, tu vas partir au Gabon, au Cameroun, au Congo, en Algérie, et voilà, fais vite ta valise ». Et puis on était payés à des salaires dérisoires, et comme ils savaient qu'il y avait énormément de demandes, que les photographes, ça ne manquait pas, il y en avait plein de gens qui voulaient être photographes, ils faisaient continuellement ce chantage en nous disant « si vous n'êtes pas content, j'envoie un autre ». Les photographes donc abandonnaient leurs droits d'auteur et les photos étaient publiées dans le monde entier. Et ces gens-là gagnaient beaucoup d'argent sur le dos des photographes. C'est important parce que l'agence Magnum, par exemple, qui est certainement une des plus anciennes agences, qui a été fondée donc en 47 et qui a été une des premières coopératives de photographes où les photographes étaient propriétaires de leurs négatifs. C'était une exception et reste une exception. D'abord, c'était pour, un endroit extrêmement fermé. C'était une consécration. Donc, les photographes, on ne pouvait pas espérer de travailler à Magnum. Donc, il n'y avait que le choix. C'était soit d'être photographe à Paris Match, qui était aussi une citadelle imprenable, et soit d'être dans ces agences. Et quand, en 1966, avec Gilles Caron, Hubert Henrot et Hugues Vassal, nous avons créé Gamma, c'était un petit peu pour prendre une distance par rapport à ces agences paternalistes qui exploitaient le photographe. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de ramener les droits d'auteur aux photographes, c'est-à-dire que les photographes achetaient leurs films vierges, parce que la jurisprudence en France se base sur qui achète le film. C'est un petit détail, mais c'est important. Et de ramener la signature, c'est-à-dire de mettre le nom de l'agence en tout petit et derrière. On a vu dans les journaux politiques français le nom des photographes. Ils étaient déjà, ils n'étaient plus anonymes, ils n'étaient plus derrière une agence, comme ça, comme à Société de Presse, à AFP, etc. Mais je reviens un tout petit peu, si vous voulez, sur cette notion d'explosion. Car on avait connu cela quelques siècles auparavant, avec l'imprimerie, bien sûr. Mm-hmm. qui avait aussi transformé une civilisation. Mm-hmm. Bon, avec le protestant, avec les contestataires de l'époque, les protestataires de l'époque qui s'étaient emparés de ce moyen, de ce média. On a ça aussi en photographie avec Blanca Evrard à Lille, qui fait la première imprimerie photographique et qui va donc diffuser des tirages photographiques par le biais de l'imprimerie. En fait, il n'imprimait pas, c'était un atelier de tirage. C'était les mots qui étaient imprimés, mais les images n'étaient pas encore imprimées. Elles le seront plus tard avec le procédé de Poitevin. Niévès Daguerre Poitevin. Bon, Poitevin a trouvé le moyen de passer de la photographie, c'est-à-dire de la plaque photographique négative, au tirage positif, sans passer par une gravure à la main. L'explosion de l'image va essayer de reprendre toute la tradition du livre. Et alors ces livres photographiques, ils apparaissent tôt ? 1851, oui, oui, oui, si tôt, oui, oui. C'est vraiment c'est vraiment la haute époque là du livre photographique avec l'imprimerie de Blanca Evrard qui dure 4 ans, 1850-1854 à peu près. Les Grecs ne connaissaient que deux procédés techniques de reproduction, la fonte et l'empreinte. Avec la gravure sur bois, on réussit pour la première fois à reproduire le dessin bien longtemps avant que l'imprimerie permît la multiplication de l'écriture. On connaît les immenses transformations introduites dans la littérature par l'imprimerie, c'est-à-dire par la reproduction technique de l'écriture. Sans s'arrêter à la théorie, M. Blanca Evrard de Lille annonce la publication d'un album tiré à grand nombre. Ce sera le premier monument de l'imprimerie photographique dont cet honorable inventeur sera justement proclamé le Gutenberg. La lumière, 27 juillet 1851. Avec la lithographie, les techniques de reproduction avaient fait un progrès décisif. Ce procédé permit pour la première fois à l'art graphique de mettre ses produits sur le marché, non seulement en masse, comme il le faisait déjà, mais sous des formes chaque jour nouvelles. Ainsi, le dessin put illustrer désormais l'actualité quotidienne. Il devint par là même l'intime collaborateur de l'imprimerie. Mais à peine quelques dizaines d'années s'étaient-elles écoulées depuis cette découverte que la photographie, à son tour, allait la supplanter dans ce rôle. Avec elle, pour la première fois, en ce qui concerne la reproduction des images, la main se trouve à décharger des tâches artistiques essentielles, lesquelles dorénavant furent réservées à l'œil fixé sur l'objectif. Benjamin. Quand on a fondé Gamma, il fallait être meilleur que les autres, quoi. Il fallait être les plus rapides et créer une information par l'image. C'est là où la photographie fait une certaine intervention. C'est dans la grande tradition des photojournalistes américains, Smith, Capa, etc. C'est-à-dire que c'est par l'existence de ces images, par le fait qu'elles existent, qu'un photographe était là, que l'information passe. Bon, bon, bon. Allô, Gamma. Ne coupez pas. Ce matin, en Californie, on s'est branché avec la radio. Allô, oui, c'est sur la une. Et s'il y a un coup, celui qui est là, il va. Ah oui, c'est dire, si se passe quelque chose, vous avez la liberté de... Allô? De changer votre emploi du temps, éventuellement, pour... Oui, plus ou moins. L'autre fois, moi, j'étais en Algérie pour faire le 5e anniversaire de la Révolution. Je suis arrivé le matin, ici avec mes valises. Et à 3h d'après-midi, il y a eu un flash en disant que Mesrine était tuée, par exemple. J'étais le seul à l'agence. J'ai pris la moto du motard et on était à Port-de-Quillancourt. Et bon, on a pu photographier Mesrine dans la voiture. Enfin, c'est l'actualité. Et comment ça s'est passé pour Mesrine, de cette école dans les journaux, de gamin, qu'on l'avait laissé dans la des voiture, années 67-70, est née, elle s'est constituée à Paris, une espèce de plaque tournante qui fait que Paris est quelque chose de très, très particulier, qui fait que Paris jouit d'une production, on exporte du photojournaliste. Alors, quelles sont les grandes figures, disons, dans une agence ? Il y a le directeur, il y a les photographes, il y a le vendeur. Est-ce que tu peux évoquer ces figures comme ça ? Oui, alors, dans des agences, disons, traditionnelles comme Gamma ou Sigma, qui sont particulièrement des agences importantes en photomagazine, il y a effectivement une direction qui varie selon les agences. Notre principale source d'information, ce sont les bulletins d'information d'Europe 1, de Luxembourg ou d'Inter. Moi, j'étais directeur. J'avais donc, à un moment donné, il y a eu une scission à Gamma et j'ai été amené à prendre mes responsabilités d'animer l'agence. J'avais jamais fait ça et je l'ai fait et je le regrette pas parce que je crois appris beaucoup de choses. J'ai perdu un an de photos et j'ai été derrière un bureau à dispatcher, à envoyer des photographes, à stimuler et à produire des sujets. Tu faisais quoi, là ? Alors, je lisais les journaux, j'aidais un rédacteur en chef qui était une personne qui était directement liée avec moi, qui était quelqu'un qui avait une grande expérience, qui était déjà là avant à Gamma, qui s'appelle Floris de Bonneville, qui est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui est la personne la plus importante dans une agence, parce que c'est quelqu'un qui reçoit les photographes, enfin envoie les photographes, c'est elle qui a la responsabilité de ça, qui s'occupe de tout le service de rapatriement de ces photos, c'est-à-dire envoyer des motards. Michael Murphy de faire développer, de choisir à la place du photographe, puisque c'est lui qui fait l'editing, c'est-à-dire le choix des images, de l'envoyer, de faire les légendes, de faire les textes, de prévenir les correspondants, de prévenir les vendeurs. C'est un personnage très très important. C'est par Louis Gubb, c'est pas par Franck Collomb, ça c'est notre stringer sur place. Un feature sur les miniatures, je peux pas vous dire, parce que je sais pas moi qui l'ai choisi. Nathalie Lane à New York, c'est également une actrice. Un grand feature sur le Rhin, la pollution du Rhin, réalisé par Christian Viujard à Strasbourg et conjointement par Alain Mingan en Hollande. Ensuite, il y a la visite, les premiers visiteurs à Colombey-les-Deux-Églises. Donc il y a le directeur, il y a le rédacteur en chef et puis il y a les vendeurs. Alors effectivement, les vendeurs, ça aussi, c'est encore un aspect qu'on connaît peu parce qu'il y a des grands vendeurs de photos. Il y en a deux. À l'heure actuelle, il y en a encore toujours deux. Il y en a un qui est à Sigma, il y en a un qui est à Gamma, d'ailleurs. Parce que c'est automatiquement, les deux monstres se les récupèrent. Ce sont des gens qui ont un rôle important à jouer, parce qu'ils ont des images, prenons l'exemple de l'Iran, là. Ils sont en concurrence avec d'autres agences, ils le savent. Et il faut qu'ils aillent très très vite dans les journaux, et dans les journaux qui sont adéquats. En fonction du matériel. Enfin, au niveau de Gamma, Sigma, SIPA, de grosses agences internationales comme ça, on se doit de vendre plus ou moins cher, justement, selon le coût de la réalisation des photos. Alors bon. Ça peut aller de quel prix à quel prix ? Le prix minimum d'une photo peut démarrer à 120 francs. 100 francs, 120 francs pour un petit quart de page, un petit timbre-poste, et puis il peut monter à des sommes fantastiques de plusieurs millions. Et tout dépend évidemment de l'exclusivité de la photo et de l'intérêt de la photo. Bon, si c'est une conférence de presse d'un homme politique français, où il y a 150 photographes, la photo n'a qu'une valeur intrinsèque, elle n'a pas de valeur. Bon, si elle paraît dans le point, c'est 200 francs, par exemple. Donc ça, tout est tarifé, il n'y a pas de problème. Le Japon, la Grèce, le Danemark, le Finlande, la Norvège, le Canada, le Brésil, le Mexique et la République démocratique allemande. Et alors, l'affaire Messrine, par exemple, dans une agence de presse comme Gamma, ça a été une histoire fantastique dans la mesure où, bon, déjà, l'histoire est arrivée un vendredi, donc c'est un peu pour nous le vendredi, on travaille autant que les autres jours, mais malgré tout, c'est un peu plus relax, on arrive en fin de semaine. Et ce jour-là, en plus, manque de chance, le RTL Matic, le poste qu'on a là avec les informations, le flash plutôt qui tombait, on l'a pas entendu parce qu'il y a eu un bruit dans la rédaction. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un parasite énorme dans le poste, on n'a pas entendu l'information. Et coup de chance, une amie avec qui je travaille au Matin de Paris m'appelle en me disant: t'as entendu, Messrine s'est fait buter à la porte de Clignancourt. Ça a été le tollé général. Bon, coup de chance, le motard de l'agence arrivait. Il a emmené un photographe tout de suite sur lui. On était sur les lieux, je sais pas, peut-être 10 minutes après. Bon, et le photographe qui a donc couvert ce sujet a eu la chance de faire une photo fantastique, alors qu'il y avait une foule complètement dingue sur la place porte de Clignancourt. On a développé les films dans des conditions pas possibles. Dans les 20 minutes qui suivaient, moi je partais avec mon Vespa, je partais à Paris Match avec 15-20 tirages. Bon, je suis arrivé pratiquement dans l'un des premiers à Paris Match, qui pourtant était bien placé sur cette histoire. Et bon, c'est un exemple typique. J'avais une photo fantastique. Match était évidemment aussi surpris de voir une photo comme ça. Messrine, les yeux grands ouverts, par terre, allongé sur le sol. Bon, c'était une telle histoire, une telle photo, que tout s'est passé, tout a marché d'une façon fantastique. Je veux dire, dans l'heure qui suivait, Paris Match avait cette photo dans son dossier. Bon, elle était vendue à un prix intéressant parce que bon, elle avait un impact et un intérêt fantastique. Et bon, c'est un des exemples, si vous voulez, pour nous, une information tombe à la radio. En moins d'une heure, on arrive à se trouver dans une rédaction, dans la rédaction d'un grand journal, avec un tirage ou avec un jeu de photos entre les mains, ce qui est quand même fantastique, parce que quand on pense au nombre d'opérations que ça représente, et c'est fabuleux. Aussi Paris Match grec, l'Afrique du Sud, c'est également un groupe. L'illustré suisse, nous travaillons directement également avec eux. Des agences comme Gamma et Cinéma ont des contrats. Donc, sur des contrats, ils ont 40 pays et doivent assurer un certain matériel. C'est un petit peu ce qui m'a fait que moi, je me suis écarté de la direction de Gamma parce que c'était quelque chose qui ne m'intéressait plus, puisque ça devenait véritablement du management. C'était quelque chose d'autre qui n'était plus rien à voir avec ce que moi, je voyais dans le photojournalisme. Et je peux difficilement critiquer parce que ça fait travailler beaucoup de photographes. Il y a environ 50 personnes à Gamma qui travaillent, par exemple, à Gamma. Il y a 50 personnes qui travaillent à Gamma. Bon, tout le monde est content. 1er janvier 67, il y avait 3 photographes. 1er janvier 80, il y en aura 21 au staff. Plus 400 correspondants. Plus 400 correspondants, c'est ça. Et d'ailleurs, je constate à ce niveau-là que ce qui m'attriste, c'est que finalement, en 67, nous étions 4 photographes. Il y en a un qui n'est plus venu, qui a arrêté de faire la photo, qui est Hubert Roth. Nous avons fait rentrer après un vendeur. Eh bien, en 12 ans, les deux plus grandes agences, à l'heure actuelle, qui sont Gamma Sigma, sont aux mains des gens qui ne sont plus photographes. C'est-à-dire que depuis 67, les photographes ont disparu. C'était eux qui avaient le pouvoir, on l'a reperdu. C'est-à-dire, à Gamma, c'est un vendeur qui est directeur, le vendeur de Gamma. Et à Sigma, c'est un Hubert Roth qui ne fait plus d'image. André Kertész. Justement, je reviens maintenant, j'étais à Berlin pour une conférence, de première conférence de photojournalisme. Mm. Vous savez, j'étais invité comme un des créateurs. Et j'ai entendu maintenant, je savais before, mais maintenant c'est officiel, quand Life a commencé, Life Magazine a commencé, de magazine, c'était, ça je savais, ils ont voulu faire de l'imitation du journal V, sans de spirit. Non. Pour moi, quand je suis venu ici, et Life a commencé justement de cette époque, j'ai visité pas pour travail, parce que j'avais mon contrat, je n'avais pas besoin de travail, parce que c'était pas mon souci, c'était le souci de gens qui sont demandés de me voir ici, venez ici. J'ai visité de rédaction et présenté, moi, André, que oh, nous connaissons bien votre travail, nous aimons beaucoup, mais vous parlez trop avec votre photo. J'étais surpris, mais qu'est-ce qui vous parle? Alors, il faut. Vous, qu'est-ce que vous faites? Illustrer, oui, illustrer tellement. Alors, il faut que vous parlez avec photo. Mais non. Nous avons des éditeurs qui font des textes pour les photos. Il faut que nous fassions seulement le document. Parlez, voilà, les éditeurs. Regardez. L'image elle-même ne doit pas être parlante, c'est ça? Oui, ils ont dit pour moi, je parle trop avec mes photos, express moi-même. C'est normal. Express. Ils nous ont reproché de trop vous exprimer dans vos photos. Oui, reprochez pour moi, vous nous aimons, mais vous parlez trop avec votre photo. Bon, il faut besoin, mais non. Nous avons des éditeurs qui font des textes pour le photographier. Vous comprenez? Il faut que nous fassions des documents. Alors j'ai répondu, qu'est-ce que ça arrive, mon document parle tout? Vous savez, non, voilà, c'était la situation. Ils ont voulu montrer pour le monde, nous montrerons pour le monde, nous sommes des reporters. Excusez-moi, ils ont fait de merde. Vous pouvez utiliser. Vous comprenez? Absolument fait de merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des thousands, des millions de photos. Et accidentellement dans ce matériel, comme des poules aveugles. Find, trouve, grain tout. Ah oui, oui. Vous comprenez? Les poules qui sont aveugles, quand même, arrivent à trouver de quoi manger. Vous comprenez. C'était de situation avec eux. Moi, je suis sûr, il y a une quantité de gens qui avaient de talent. Je ne parle pas contre des boys, vous savez. Bah, ils ont dirigé avec un spirit qui était impossible. Absolument impossible. Et Libération décide de faire une hebdo supplémentaire tout le week-end. On me demande de faire le numéro 0 avec des photos d'un club de boxe. Esaias Baitel. Je suis d'accord. On me dit que c'est très pressé. J'avais déjà fait les photos. Je n'avais qu'à les tirer. Et j'ai fourni les photos. Bon. On m'appelle. On me dit que tu sais, on a besoin d'un texte avec. Bon, c'était prévu que ce serait une double page photo sans texte, qu'un petit titre et le nom de photographe. Et c'était prévu ça, mais on me répond quand même que, écoute, tu comprends, on peut pas le publier comme ça. Il faut, je sais pas, un peu d'informations, n'importe quoi, le nom d'entraîneur ou... Est-ce qu'il est bénévole ou est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'il est professionnel ou pas? Les boxeurs sont amateurs. De quel poids ils font, etc. Pour moi, je dis que je ne vois pas l'intérêt de ça parce que les photos ont un langage à eux-mêmes, une certaine information. Et il ne faut pas détruire cette information avec de fausses informations écrites à côté. Nous, on est là pour servir une clientèle et un réseau dans le monde et on est obligé de s'y tenir. Les photographes qui n'acceptent plus de faire ce schéma quittent l'agence et vont travailler ailleurs. Mais dans une agence, on est obligé de fournir. Et il faut travailler beaucoup sans trop penser à l'utilisation de ces photos parce que ce n'est pas le but d'un photographe d'agence. Vous arrivez, vous posez vos films, vous repartez, vous refaites des films, vous arrivez, vous les reposez. Vous arrivez, vous posez vos films, vous repartez, vous refaites des films, vous arrivez. Oui, mais lorsqu'on travaille dans une agence, on est imbriqué dans un système qui est rapidité, efficacité et concurrence. Donc on ne peut pas être à la fois en Iran, faire une manifestation pro-Khomeini ou pro-Madari, revenir à Paris, choisir les photos qui illustrent le mieux selon soi, parce qu'on a été témoin visuel sur place, faire les légendes et aller voir les magazines, c'est pas possible. On est un maillon de la chaîne et on doit faire confiance aux autres. Et la fin de la chaîne, c'est le journal qui publie, qui raconte ce qu'il veut, de toute façon. On n'a vraiment aucun pouvoir. Vous arrivez dans une agence, vous donnez vos photos, et ces photos sont développées, sont tirées, et sont distribuées dans tous les journaux et tous les supports, ou la plupart des supports qui sont d'obédience politique diverses, et que à une même photo on peut faire dire 200 choses différentes. C'est pas du tout difficile au niveau du cadrage, au niveau du montage et au niveau de la légende. Tu n'as pas le contrôle, parce que quand tu fais d'actualité, que tu photographes d'actualité, tu n'as pas le contrôle. Tu fais la photo le soir, tu te précipites à l'aéroport, tu trouves une combine quelconque pour que ça arrive à Paris, soit tu le donnes à un passager, soit à un pilote, soit à une hôtesse. Soit tu payes un air fret, c'est réceptionné à l'agence, c'est diffusé tout de suite, au plus offrant. François Hers, un des fondateurs de l'agence Viva, initiateur du reportage sur la famille. Comme ça coûte très très cher de faire de l'actualité, très très cher, parce que tu es toujours à payer des taxis, des avions, il faut aller plus vite. Au moins avec les autres, sinon tu n'as rien à faire. Tu dois toujours être au courant de l'événement, courir après l'événement. C'est tout à fait intéressant. C'est très amusant comme sport. C'est très amusant comme exercice sportif. C'est amusant une fois ou deux, mais ça n'a rien à voir avec la photographie pour moi. Moi, je suis allé à Viva parce que j'ai eu l'impression que Viva est différent. Parce que j'ai beaucoup entendu parler du reportage de la famille. Je ne l'ai jamais vu. Je me dis, on va le laisser ailleurs. Hein? S'ils n'utilisent pas la presse comme un support, ils sont sûrement un support ailleurs. Bon, je m'ai vite rendu compte, en rentrant à Viva, que ce n'était pas vrai. La photo de famille est utilisée comme une illustration, n'importe où, n'importe comment. Pour illustrer un article, de remplir un trou quelque part, ou un livre scolaire, où c'était complètement pris de son contexte. Sorti de son contexte. Oui, sorti de son contexte, je veux dire, oui. Et ça, c'était comme n'importe quelle photo. Alors, la dernière collaboration que j'ai faite, le dernier travail de photojournalisme que j'ai fait, est un reportage que j'ai fait au Portugal, à Braga. Je suis parti parce qu'il y avait prévoyé un événement. Il y a l'archevêque de Braga qui avait appelé à une grande réunion des catholiques du Nord, où il a fait un discours enflammé, appelant à la chasse à l'homme et à la chasse aux communistes, ce qui s'en est suivi après son discours. Tout le monde, une centaine d'hommes, s'est retrouvé devant la permanence du Parti communiste. Bon, les provocations, l'énervement a augmenté, puis il s'est trouvé que tout à coup la foule est devenu un peu plus excité et s'en est pris à un homme qui était, Dieu seul sait s'il était communiste ou non, et a commencé un lynchage, tout simplement. Alors, pris dans la bousculade, comme ça, j'ai fait quelques photos de bousculade, puis je me suis retrouvé entre la foule et cet homme. Je ne pouvais pas faire des photos, évidemment, dans ces situations-là, donc j'ai essayé de me mettre entre lui et la foule, jusqu'à l'arrivée de la police qui l'a mis contre un mur. À partir de ce moment, il était sauvé. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé très vite et j'ai très précisément dit, il faut que cette photo devienne exemplaire et il faut que je la réussisse. Et je l'ai réussi. Je l'ai envoyé à l'agence par l'avion du soir. Et une semaine après, toujours au Portugal, je reçois la presse américaine et française, où on utilise cette photo, non pas pour crier au scandale contre de tels appels, mais au contraire, pour dire et confirmer l'attitude de l'archevêque de Braga et dire, dans le fond, tout cela n'est qu'une juste révolte populaire. Alors, à partir de ce moment-là, je veux dire, il m'était imposé d'arrêter ce genre de collaboration. Je ne pouvais pas, même sur un plan très concret, je ne pouvais pas dépenser une fortune, parce que ça coûte une fortune de faire du photojournalisme, pour aller faire au Portugal des photographies qui servent en France à confirmer les intérêts idéologiques avec lesquels je suis totalement opposé. Mais pas seulement les intérêts idéologiques, mais une morale avec lesquels je suis totalement opposé. Et cette photo, je l'ai mise sur un mur de musée, dans le cadre d'une rétrospective sur 10 ans de photojournalisme en France. Je l'ai agrandi en grand, et je l'ai mise sur une photo sur le mur du musée, qui est un mur blanc, sans commentaire, où cette photographie que j'ai voulu réussir, donc qui était réussie, qui se suffisait à elle-même, s'est retrouvée sur un mur blanc sans commentaire. Et c'est actuellement le seul support concret possible pour un photographe. Il y a aussi un peu de la part de la responsabilité des photographes. Je ne voudrais pas être de ces photographes qui disent que la presse, effectivement, n'est pas très bonne, que la presse utilise les photographies d'une façon très, très mauvaise. Ça, je le pense. Je le suis aussi, j'en suis conscient. Mais trop de photographes, et particulièrement ceux qui font des critiques, ne se bagarrent pas à l'intérieur du système pour que ça s'améliore. Il faut peut-être aller au sein même des journaux, leur dire, voilà, moi j'ai fait ces photos comme ça, sans faire des histoires, mais les gens qui finalement décident des images ne sont des gens qui ne connaissent pas en images. C'est eux qui ont le pouvoir. Et ces gens-là sont habitués à ce que les photographes ne viennent pas parler, ne viennent pas se plaindre, ne viennent pas expliquer pourquoi ils ont fait telle photo, ne viennent pas montrer leurs images eux-mêmes. J'étais amené à le faire surtout sur l'affaire du Tchad, parce que c'est un sujet où j'étais tout seul, et donc je faisais passer certaines informations par le texte, ainsi que par la télévision, parce que la photographie ne me suffisait pas, ne suffisait ça, pas. Alors raconte peut-être comment ça s'est passé. Mais, c'est une affaire importante, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il est certain que, si on en reprend l'essentiel, c'est que, voilà, il y a un otage détenu par des révolutionnaires dans un pays francophone du Sahara en 1975. Ça commence en 1974, mais en 1975, au premier moment où je rejoins cet otage, je fais une interview de l'otage qui est détenu par ces révolutionnaires. Révolutionnaires que je connaissais, que j'avais été photographié en 1970 avec Gilles Caron. En tous les cas, je me suis retrouvé tout seul à faire un matériau, disons, informatif, c'est-à-dire une caméra, un magnétophone et un appareil photo. Et une information en plus qui était, il y avait un ultimatum qui était lancé par le chef des rebelles, Hissène Habré. Donc j'ai ramené ça en France, j'ai d'abord fait mon devoir de citoyen, c'est-à-dire que j'ai été au ministère de la coopération et j'ai dit voilà, il y a du courrier pour vous. Attention, attention. Ici Radio France Internationale. Voici un message des autorités françaises à M. Hissène Habré. En réponse à la communication qui leur a été transmise, les autorités françaises se déclarent prêtes à déposer, soit en un lieu à convenir, soit à un compte en banque, une somme de 10 millions de francs, c'est-à-dire 1 milliard d'anciens francs, en échange de la libération de Madame Françoise Claustre. Elle demande à Monsieur Hyssen Abret de leur faire connaître sa réponse par radio ou par message acheminé à l'ambassade de France à N'Djamena. Vous venez d'entendre, tel qu'il a été diffusé cette nuit sur Radio France Internationale, le message que les autorités françaises veulent voir entendu par ceux qui détiennent actuellement en otage Madame Claustre. Ensuite, en tant que journaliste professionnel, j'ai donné l'information à des journaux, c'est-à-dire l'information qui avait un ultimatum. J'ai ensuite vendu mes photos à Paris Match, qui racontaient l'histoire de cet ultimatum et de les premières images de cet otage. Et ensuite, j'ai donné à la télévision française, à la première chaîne, une interview de cet otage. C'est intéressant d'ailleurs que le plus important a été l'émission télévisée. Bon, il y a quand même des situations où les photographes peuvent agir. Mais ce ne sera pas avec leur image en elle-même. Parce que l'image toute seule, tu ne peux pas, à moins d'imprimer toi-même un journal, comme par exemple l'affaire avec le Tchad, il l'a donc utilisé lui-même. Ou comme Gama a fait avec le Chili. Ils ont donc utilisé eux-mêmes leur photographie, ils ont créé eux-mêmes un événement. A fait un événement, et ces images ont servi à illustrer cet événement. L'y ont aidé, mais l'image en elle-même, non. Elle n'a aucun pouvoir, évidemment. Mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. La photographie est maintenant à l'abri, loin des affaires du monde. Elle est donc un sujet sûr pour les chercheurs, les critiques, les historiens et les conservateurs. Avec la disparition de Life, de Look et des magazines au format tabloïd, la possibilité s'est précisée pour la photographie de s'élever au statut de médium total, au-delà de la basse besogne d'information qui est maintenant du domaine des nouvelles télévisées. Douglas Davis. Finalement, je me demande si c'est pas, ça ne rend pas service à la photo que le premier média visuel soit la télévision. Bon, alors comme ça, elle passe, c'est un ouragan qui laisse finalement la photo derrière elle, beaucoup plus libre, on est presque plus respectueux. Or qu'à un moment donné, elle était l'une des premières à faire intervention visuelle, parce que c'était elle, on attendait la photo. C'était France Soir, c'était les grands magazines. On lisait les magazines, on regardait les images. Donc elle était la première. Et on s'aperçoit encore que sur certains événements, qui ne sont pas très loin, comme mai 68, elle a encore son importance. Parce que, étant donné que l'image filmée est tributaire de certaines choses, beaucoup de choses d'ailleurs, le pouvoir y attache beaucoup d'importance, et les moyens financiers qui y attachent de l'importance, qui fait que les événements de mai 68, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Et quand Chris Marker fait un montage 10 ans après sur les événements de mai 68, il est obligé de filmer des trottoirs sur Gay-Lussac, parce qu'il n'y a pas d'images. Parce qu'il n'y a pas d'images sur mai 68. Les grands trucs, c'est la bande-son. Il y a des très très bonnes bandes-sons. Et puis il y a des images, il y a des photos de Caron, de bureaux, etc. Et on n'a pas la chronologie de tous les jours. Il y a des manques, il y a énormément de manques. On n'a pas De Gaulle qui revient de Baden-Baden, on a plein. Il n'y a pas d'image en mouvement, quoi. Donc, c'est des images fixes. C'est encore la photo qui est le support, le moyen le plus important. C'est bien beau que la télévision a libéré la photographie, je suis d'accord sur ça, mais ça sert à quoi quand on n'a pas de support? Si on va faire nos photos et créer nos supports, il faut un fric fou. Ils font fric fou qui, si on n'a pas d'argent nous-mêmes, il faut se faire cet argent. On le peut le faire seulement par jouer le jeu de presse actuelle. Cela dit, tu serais d'accord au fond avec l'analyse de Douglas Davis? Oui, bien sûr. Oui. Mais je pense que c'est peut-être une bonne chose pour la photographie de laisser le monstre que la télévision allait en avant informer le grand public, tout le monde, par satellite, par etc. Et que la photographie reprend sa véritable place, et une place qui est peut-être de second, mais finalement, qui est plus à même de prendre son vrai rôle, c'est-à-dire de faire de véritablement d'obliger les gens à regarder. Parce qu'ils ne regardent pas tellement la télévision. Ils voient, mais ils ne regardent pas, quoi. Ça, c'est important. Peut-être que les gens regardent, se penchent un peu plus sur l'image. Ils la regardent, ils prennent un peu plus de temps. Enfin, ils s'arrêtent. Henri Cartier-Bresson. Il n'y a rien à dire. Il faut regarder. C'est tellement difficile de regarder. On a l'habitude de penser, on réfléchit tout le temps, plus ou moins bien. Mais on n'apprend pas aux gens à regarder. Je ne sais pas, c'est très long, ça prend énormément de temps, là, d'apprendre à regarder. La chose qui m'émeut, qui me passionne, c'est le regard sur la vie. Une espèce d'interrogation perpétuelle et une réponse immédiate. Robert Doisneau. Je vais vous expliquer comment l'envie de faire des images me prend. C'est-à-dire que c'est souvent une sorte de continuation d'un rêve. Un matin, on se lève vraiment avec un bonheur de voir, de vivre. Et là, il faut partir. Mais il ne faut pas partir très loin, parce que si vous laissez passer du temps, votre enthousiasme, votre besoin, votre envie va s'évaporer très vite. Et en réalité, on voit bien 2 heures par jour, pas plus. Hein. Vraiment, de voir, mais voir ce côté animal, enfin, de voir, enfin, de happer avec ses yeux. Et tout près de chez moi, quand je suis bien disposé, je vois beaucoup plus que la plupart de mes contemporains, bien entendu, qui sont, eux, tellement saturés, fatigués par la cascade d'images de la télé. Et il ne reste rien en mémoire, je trouve, de cette cascade d'images, alors que les images de certains photographes me sont très, très présentes tout le temps. Bouba, Vigneault, Brassailles, Henri Cartier-Bresson, il y a des images qui me restent gravées complètement. Je ne cherche pas à les reproduire, à les retrouver, c'est leur domaine, c'est leur monde. Mais vraiment, c'est ces images qui vous donnent envie de voir, envie de vivre, oui. John Tcharkovsky. La première chose que le photographe a apprise, c'est que la photographie avait affaire avec le réel. Il n'a pas eu seulement à accepter ce fait, mais à le préserver soigneusement. S'il ne l'avait pas fait, la photographie l'aurait mis en échec. Il a appris que le monde lui-même est un artiste doué d'une inventivité incomparable et que savoir reconnaître ses œuvres et ses instants les meilleurs, les prévoir, les rendre clairs et permanents, exige une intelligence à la fois aiguë et souple. Mais il a également appris que le sujet et l'image n'étaient pas une seule et même chose, bien qu'il le semble après coup. C'est le problème du photographe de voir non seulement la réalité devant lui, mais l'image encore invisible, et de faire ses choix en fonction de cette dernière. Jean-Philippe Charbonnier. Moi, j'ai des lieux d'élection, puisque bientôt je ne voyage plus du tout. Je me balade ici. Il y a une photo que j'ai faite, je fais des photos dans un autobus aussi, quelquefois. C'est un autobus, une fois là, et il y avait assis... À côté de moi, là, sur le mur machin, un bonhomme qui a une gueule incroyable, c'est dans mon exposition d'ailleurs, qui ressemblait à Bussière, cet acteur, un peu, quelque chose comme ça. Gueule, une casquette. Et je disais, tiens, c'est pas mal, mais ce serait fait une photo. Mais c'était totalement anecdotique, comme ça, c'est ce qui m'emmerdait un peu. Puis il y avait une bonne femme assise derrière lui qui était moche. Vous savez, je me disais, tiens, il y a un élément de photo. Puis je faisais plus attention, il n'y était pas entière. Bon. Et puis. Quelques instants après, la bonne femme s'en va, quelqu'un monte, s'assied une ravissante jeune fille de 16-17 ans, très jolie, un visage Angélique, une beauté, alors petite chérie, ravissante fille, adorable personne. Et il y avait une lumière qui était pas mal. Mais l'autobus allait comme ça, dans la rue de Rivoli. Et je sais, que, vu que je prends cet autobus 96 très souvent pour aller notamment rue du Dragon, que quand on arriverait sur la place d'Hôtel de Ville, on aurait une bonne lumière parce qu'on serait en plein soleil pendant un temps donné. Non ? Je savais tout ça. Et j'attendais. Donc j'étais, la photo était déjà là. Les gens, les acteurs étaient rentrés. L'électricien n'était pas arrivé, si tu veux. Bon. Et moi, j'étais comme ça. Hein. Je me disais, putain, pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que je ne faisais rien. Je ne manipulais rien. J'attendais qu'il se passe cette, la deuxième surprise numéro 2. Il y en avait une, le type, pas mal. Bon, pouf, la bonne la figure. Bon, ça, comment ça s'arrange, ça. Et je disais, putain, il n'y a pas une connasse avec sa carte orange qui me passe sous le nez, hein, parce que j'étais dans l'autobus, en plus, ça amuse. Vous êtes du 500e à 11, mais enfin quand même, c'est pas si simple. Puis j'avais pas envie qu'il me dise, le mec commence à gueuler, tu comprends, parce que j'étais assis là, et puis il y avait le mec qui était là, et puis là, on reste derrière, je dis, bon, ça, tous les emmerdements de la terre pouvaient m'arriver dessus. Et à ce moment-là, effectivement, on arrive à l'hôtel de ville, bang, le soleil arrive, je suis 500e, on sait, j'ai même pas besoin de regarder, je le savais, d'avance. Et je fais une photo, je fais plusieurs photos à la queue leu-leu, comme ça, de ces gens, comme ça, qui étaient mis au point la plus belle lurette, et des photos de ces gens. Et à ce moment-là, derrière eux, passe un camion en lame d'aluminium, tu vois, comme un avion, qui fait une espèce de fond neutre, comme ça, comme, assez beau, quoi. Puis je dis, ben, ça y est, c'est terminé. Alors, il y a tout un machin, j'ai la chair de poule, vous savez. Il y a eu tout un machin, parce que c'était... C'était autre chose que de faire poser un mec assis sur un tabouret en disant ah, « il va être bien, enfin, ça me fait chier ». Là, c'était vraiment fantastique comme progression. Willy Ronis. Dans la vie courante, notre œil est une tête chercheuse qui se jette sur des quantités de détails successifs. Et le cerveau fait la synthèse. Le souvenir d'un événement, c'est donc une addition de quantités de moments exemplaires, séparés de moments creux où il ne se passe rien. Alors qu'en photographie, il faut tout rassembler. Il faut embrasser tous les détails à la fois. Dans un moment privilégié, l'œil passait d'une chose à une autre, et il faisait une addition. En photographie, l'addition doit se trouver dans un 50e ou un 100e de seconde. Ah oui, ça c'est une belle histoire. Ça c'est l'histoire même des bonnes photographies ou des photographies que vous avez un grand plaisir à prendre. C'était presque à la tombée de la nuit. C'était la scierie qui s'appelle le complexe Lénine à Katowice. Hervé Gloagan. Bon, c'est une grande scierie, une des plus importantes de Pologne. Et je voulais donc photographier cette espèce de paysage industriel complètement incroyable. Et pour ça, donc, vers 5h, on était parti avec mon interprète à l'extérieur de cette ville de Katowice. Et on a pris des tramways, bon, on est allé dans la banlieue, puis on a quitté le tramway, on a marché à pied dans la campagne, et puis il faisait presque nuit, comme ça, il y avait un paysage absolument incroyable, d'une tristesse absolue. Et il y avait donc des champs avec des pylônes, et puis... au fond, comme ça, ces cheminées d'usine, cet énorme bloc avec des fumées, enfin, c'était le paysage industriel par excellence, plus l'ambiance des pays de l'Est, qui est quand même tout à fait particulière, et que j'ai planté comme ça mon appareil dans la campagne, tout en sachant très bien que ça suffisait pas d'avoir les éléments, la campagne, plus les usines derrière, pour faire une bonne photo. Parce que ça, c'était en fait la description d'un paysage, mais qu'une bonne photo, c'est autre chose qu'une description. C'est quelque chose qu'on attend, dont on ne sait pas si ça va se produire ou pas, mais quelque chose qu'on attend qui est en plus. Donc, dans ce paysage polonais, au crépuscule, vers le mois d'octobre, vous pouvez imaginer ce que ça donne. J'ai cadré... comme ça, la campagne et puis les grandes cheminées d'usine un peu inquiétantes derrière. Et puis, il y avait un petit chemin comme ça, un peu au centre de l'image, un petit peu en diagonale. Un petit chemin qui était un peu plus blanc que le reste de la campagne qui est était quand même très sombre au crépuscule. Bon, j'ai cadré comme ça une photo, puis j'attendais. Et tout d'un coup, à ce moment-là, sur le petit chemin, comme ça, un peu perdu dans l'image, est arrivé tout d'un coup, courant vers l'appareil, très loin, puisque j'avais un téléobjectif. Comme ça, j'étais très loin du sujet, et j'ai vu tout d'un coup, dans mon viseur, vers 6h30 du soir, au mois d'octobre, en Pologne, à Katowice, un jeune homme habillé en noir qui semblait comme ça fuir ce monde absolument épouvantable et qui courait vers moi, vers la caméra, sur ce petit chemin un peu blanc, habillé en noir. Enfin, c'était quelque chose de tout à fait inattendu et c'est évident que c'était une très belle photo. Et ça, c'est le plaisir de la photographie. C'est-à-dire pourquoi être venu à 6h du soir en Pologne, à Katowice, avoir pris le tramway, puis être descendu cette nuit-là, et puis il aurait pu jamais arriver, ce bonhomme. Seulement voilà, ben, il est venu. Ce qu'a dit Breton, ce qu'a écrit Breton dans ses entretiens sur le hasard objectif, me paraît s'appliquer exactement à ce que des gens appellent le photojournalisme, le reportage, Dieu sait quel nom on peut donner. Cette photographie qui est une espèce de chose intuitive, n'est-ce pas, qui colle à la réalité. Je ne considère pas la photo comme une démarche intellectuelle. François Lochaud. Sentimentale peut-être, question de, d'impression personnelle, de choc visuel, la souffrance, la joie, la misère, l'excès, la bêtise humaine, oui, mais pas une démarche intellectuelle, je crois pas. Des gestes. Oui, des gestes, oui. L'histoire, en fait, on est les derniers témoins. C'est rare. Mais c'est pas une... ni une tentation politique, ni un combat contre une cause quelconque, ou pour une cause quelconque. Je suis témoin, je vais voir ce qui se passe et c'est tout. Mais je ne fais pas ça comme un philosophe ou un politicien. Contrairement à beaucoup d'autres. Qui ferait mieux de faire de la politique que de la photo, à mon avis. C'est dangereux de mélanger les deux choses. D'une manière plus ou moins habile, mais je pense pas qu'il faille mélanger les deux. Il y a toujours son rôle très ambigu qui fait que on a un statut de, comme ça, d'observateur, de témoin, et qui est jamais bien précis. Et que pour cette affaire du Tchad qui s'était passée dans le Tibesti en 70, nous étions donc avec quatre journalistes. Nous étions ensemble avec les rebelles, qui étaient peu armés, qui étaient au début de leur lutte. Nous étions dans une petite ville d'une palmeraie du Tibesti, et nous sommes tombés en embuscade tendue par des forces gouvernementales qui étaient plus en nombre et en force que nous. Et après un dur accrochage, et après nous être repliés dans une maison, nous avons effectivement, craignant que nous ne savions pas qui était en face, ou croyant que c'était l'armée française, la Légion étrangère, et on se pose plein de questions dans ces cas-là, il y avait déjà des morts, nous sommes rendus. C'était terrible parce qu'on n'était pas très fiers. Parce que ça, c'est un aspect qu'on n'en parle pas beaucoup, reporter, photographe, qui est cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on ne vous connaît plus, là, maintenant. Et nous sommes rendus et arrivés, après avoir levé les bras, on a traversé cette nomade land, nous sommes passés chez l'ennemi, dans une certaine sorte, ou chez la force, en tous les cas. Nous avons rejoint le pouvoir, nous avons rejoint la force. Et nous avons filmé l'autre côté, parce que nous avons demandé si on pouvait filmer. Parce que c'était ce réflexe automatique. Et nous avons passé des Indiens aux cow-boys, quoi. Et c'était épouvantable, parce que... Mais ça existe tous les jours dans les manifestations, enfin souvent à Paris, où les photographes ne savent pas s'il faut qu'ils soient derrière les forces de l'ordre ou derrière les manifestants. Il y a une espèce de jeu comme ça, de jambes, On passe de l'un à l'autre, c'est très ambigu, c'est pas net, et c'est sans arrêt comme ça. Et au Vietnam, finalement, je prends l'exemple du Vietnam, c'est très caractéristique. Moi qui suis européen, occidental, on avait très longtemps pris parti un petit peu contre la guerre du Vietnam, en disant la guerre du Vietnam est quand même quelque chose d'atroce. Et donc nous allions à Saïgon, on vous donnait une carte de correspondant de guerre, on vous disait... Bon, vous allez partir avec telle unité comme ça, combattre. Les gens étaient gentils, parce qu'individuellement, un Américain comme ça, il vous donnait à manger. Il est plutôt agréable, un peu naïf comme ça, mais finalement, c'est pas le cliché entretenu par des meetings à la mutualité qu'on faisait à Paris. C'est au niveau de la politique, au niveau de l'ensemble du gouvernement, mais pas au niveau de l'individu. Et vous saviez très bien que vous faisiez des photos qui allaient se retourner contre lui, dans un certain sens. Parce que dans un certain sens, on recherchait presque qu'il y ait un accrochage ou qu'il fasse un prisonnier et qu'il y ait une torture. Quoi. Et ça, c'est toujours ce rôle ambigu comme ça, cette espèce de tapis roulant qu'on fait comme ça. On passe de l'un à l'autre. Quoi. On dirait bien été chez les Vietcong aussi. Et puis, on serait revenu dans la presse occidentale. Enfin, je veux dire, et des gens font comme ça, c'est cette espèce de navette. Il y en a qui se débrouillent bien, mais, qui font ça avec des honneurs. Il y en a qui le font... Dans le fond, je suis un observateur tout à fait subjectif. Je suis un faux témoin. Je photographie ce qui m'arrange pour montrer que mon petit monde existe. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la vérité. C'est la vérité aussi. C'est-à-dire que quand on entend les gens qui disent « Ah, la vie n'est pas gay, la vie n'est pas gay, la vie n'est pas triste, elle est un tout. Il y a dedans de quoi crocheter, il y a de tout là-dedans. On peut piquer ce qu'on veut. » Moi, je pense qu'il m'arrange, qu'il m'aide à vivre... Et je le fais souvent en pensant à quelques amis, comme ça, en disant, tiens, il va être content de voir ça. Je ramène quelque chose. Je ne suis pas collectionneur, hein, c'est le contraire du collectionneur. Je ne garde pas pour moi. Je pense tout de suite à redistribuer le truc. Et ça, ça donne du courage aussi. C'est un emprunt à la réalité. C'est quelque chose que... Je dis bien un emprunt parce que j'aimerais bien que ça ne soit pas un vol. Guy Le Quérec. Je veux bien qu'il y ait deux piles, c'est-à-dire qu'il y ait une pile, puisque ça on ne pourra pas l'éviter, qui soit la pile des gens riches, ils existent, ils font en tenir compte, et ils n'ont pas nécessairement mauvais goût, et souvent, je dirais même qu'ils savent assez bien sélectionner, retenir les valeurs en vigueur, et ils savent se les approprier, ou en tout cas se les récupérer, ça c'est très... Mais de l'autre côté, il y a les laissés pour compte, et j'aimerais trouver le moyen de... reporter ou de ramener vers ces gens-là les photos que j'ai extraites parmi eux. Quand je dis parmi eux, ça veut dire des gens qui sont assimilés à eux, qui sont soit de même catégorie sociale. Bon, et ce qui est quand même surprenant et paradoxal, c'est que la photographie, bon, on l'a à peu près dit, semble être un exercice simple, donc à la portée des gens, assez populaire de par ce fait, que les photographies les plus importantes dans le reportage représentent souvent des gens simples aussi. Ce sont donc eux qui semblent fournir le plus d'émotions, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce que ressentait le photographe. Bon, j'ai beaucoup insisté dessus, mais maintenant je vais dire tout le rôle que joue le photographié dans l'image, c'est-à-dire... s'il y a émotion, parfois il n'y a émotion que parce que la personne photographiée, même d'une façon extrêmement documentaire, est chargée d'émotion. Je veux dire, en fait, ce n'est qu'un appareil enregistreur qui transmet. Alors, que ces gens-là soient les laissés pour compte, qu'il n'ait même pas la possibilité de revenir vers l'image qui est faite à partir d'eux, dont ils sont en fait, je dirais même dans certains cas malheureusement, le matériau, c'est quelque chose que je conçois mal. L'image ne circule pas. Il n'y a pas une plus grande contre-vérité que de dire que nous sommes dans la civilisation de l'image. Nous en sommes dans la civilisation d'une certaine circulation de l'image, très limitée. Limitée dans sa répartition à la fois géographique et sociale, et limitée dans le choix qui est imposé par un certain nombre de personnes qui déterminent ces choix. Mais vraiment, l'image circule très peu. Mais la photographie scientifique d'aujourd'hui est considérée comme celle du 19e siècle. C'est-à-dire que, je crois, Elle est utilisée comme un moyen de reproduction, Michel Frisot, soi-disant objectif. Objectif évidemment pour le scientifique qui s'en sert, mais peut-être pas objectif pour tout public. Et ce problème, on l'a également avec Marais. Pour Marais, ces photographies sont une certaine preuve, mais on ne peut pas empêcher ces images d'être autre chose. Et aujourd'hui, on découvre qu'elles ne sont pas seulement scientifiques, alors que lui, il les considérait uniquement comme des photographies scientifiques et n'a jamais songé à en faire une utilisation artistique, ni même ses contemporains d'ailleurs. Alors, on découvre aujourd'hui qu'elles ont un certain mystère, qu'elles sont très énigmatiques, qu'elles sont très poétiques, et qu'elles ont un autre message, éventuellement, ou qu'elles parlent un autre langage que le langage scientifique. La photographie peut être autre chose que la vision qu'en a le scientifique qui la produit. Alors, j'avais, au cours d'un séjour dans un village, pris un certain nombre de photographies Jean-Dominique de montagnards du Sud-Vietnam, et ces photographies, ayant pu les tirer, je les ai apportées avec moi lors d'un second voyage dans cette même région, et j'ai essayé de montrer les images à des gens de villages voisins, parce que je ne pouvais pas retourner dans ce village pour des raisons que j'ai oubliées maintenant, mais je ne pouvais pas retourner dans ce même village. Alors j'ai voulu montrer les photos à des gens qui peut-être connaissaient les gens qui étaient sur les images, et lorsque j'ai sorti les photographies qui étaient quand même de format assez grand, 18-24 cm, même plus, je les ai mises sur une planche qui était là, et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez ces gens ? J'étais très étonné de voir que ce que je demandais avait l'air d'être de l'hébreu ou du chinois et que personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Alors, tous les gens me regardaient avec des gros yeux, pensant que je parlais un langage qu'ils ne comprenaient pas. Et j'ai essayé à ce moment-là, voyant leur regard interrogatif, de leur montrer, tu vois, là il y a un visage. Ça, ce sont les yeux, ça, c'est le nez, ça, c'est la bouche. Ils ne voyaient pas les photographies, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient... Ah, ils ne voyaient pas que ça représentait des images. Et j'avais beau leur expliquer, je voyais bien que mon explication ne servait à rien, ils ne comprenaient absolument pas. Alors, j'ai pris la photo, j'ai essayé de la montrer, il y en a quelques-uns l'ont pris dans leurs mains, personne n'osait y toucher, tout le monde le regardait presque les mains derrière le dos, personne ne touchait à ces objets qui étaient posés sur la planche. Et... brusquement, il y en a un qui prend la photo, qui la palpe avec le pouce et l'index, et qui me dit oh, « Comment est-ce que vous faites chez vous pour faire un tissu pareil dans lequel il n'y a pas de fibres ?» Georges Brassailles. Vous voyez que la vision est très partiale. Très partiale parce que la vision ne voit pas toutes choses. Il prend des choses qui vous intéressent, qui se correspondent à vos obsessions. Et je crois que la vision, même chez les animaux, ça existe. Je suis sûr que un loup ne voit pas un morceau de chou. Il ne regarde qu'un morceau de viande, n'est-ce pas? Vous voyez? Et tandis qu'un chèvre, il ne voit que le chou. Et il s'en fout de la viande. Il ne voit pas, tout simplement. Comprenez? Il y a un aspect charognard chez les photographes. Il y a un aspect voleur, il y a un aspect voyeur. On prend. Alors, pendant un certain temps, il y a eu une tendance. Il fallait mieux voler dans son quartier que d'aller voler à 20 000 km. C'est un aspect du journaliste qu'on ne connaît pas tellement, finalement, mais qui est là, résumé dans cette image d'une façon... Un homme avec une caméra... qui est penché sur un petit enfant qui est visiblement moribond, complètement squelettique. Et il est penché avec cette caméra, comme ça, comme une espèce de vautour. L'homme à la caméra, c'est moi. Cette photo est de Gilles Caron, elle a été faite au Biafra dans les années 68-69, au moment de la famine. Et quand elle a été faite, elle m'a un peu dérangé, parce que d'abord, c'était moi qui étais sur l'image, pour une fois, c'était moi qui étais là. Qui était le photographié, et que Gilles a bien senti que c'était une image formidable. Et il était gêné un peu pour moi, parce qu'il m'a demandé si qu'il pouvait la diffuser. Bon, mais je vais même avouer, il y a un livre de Gilles, elle n'a jamais été publiée dans le livre de Gilles. Et peut-être qu'involontairement, c'est moi qui l'ai écarté, quoi. Je veux dire, me flatte pas. Parce que c'est aussi l'occidentalisme, c'est tout le monde. C'est toute une image du photographe. Et le problème est éternel, va se poser. On peut le défendre, on peut le démolir. Et le débat est ouvert. Ok, ben, très. Vous voulez mes mines, hein? C'est bon, c'est fait. 15e? Oh, yes. Oh, listen, the moment you do that, that's fine. That's it, that's right. That's very good. Very good, very good, very good, very good. I'll try to get it in focus, too. Yeah. Excellent. Very good. Marvelous, that's right. The moment I get that line in the body, it's very good. Now your head's down a bit in front. Voilà. Bon. Attendez. Très bien. Just twist your... Twist your hips the other way. Voilà. Yes, sir. That's it. Now you got it. Very good. All right. Mm-hmm. Épatant, monsieur. Attendez. Oh, that's marvelous. Yes, yes, yes, yes, yes. Very good. All right. Hold it. I want to try a little trick here. Same. All right. Okay. Right. Now try it the other way, hold it. Yep. Okay, huh? Shit. Fine. Marvelous, marvelous, marvelous. Very good. Right. Yep, look here. Boy, there's really some numbers we're doing here, I tell you. Very good, that's fine, yes. Just your elbow a little lower, the hand, you know, in front. Yeah, that one. Right. Now pull your shoulder more to face the shoulder facing me a bit more, not the back. There. Right. That's it. Okay. But lean forward a bit more, that's it. Right. That, now you got it. That's perfect. Perfect, perfect, perfect. Right. Very good. Gee whiz. Oh, yeah. Give me a better. Voilà. Ça va? Fine. C'est tout ce qu'il faut. Pour le croquis de Meur, la représentation de la vie bourgeoise et les spectacles de la mode, le moyen le plus expéditif et le moins coûteux est évidemment le meilleur. Il y a dans la vie triviale, dans la métamorphose journalière des choses extérieures, un mouvement rapide qui commande à l'artiste une égale vélocité d'exécution. Dès que la lithographie parut, elle se montra tout de suite très apte à cette énorme tâche, si frivole en apparence. Nous avons dans ce genre de véritables monuments. Patrick, vous pouvez mettre la planche, s'il vous plaît. Mais pas si ainsi, M.G., s'étant imposé la tâche de chercher et d'expliquer la beauté dans la modernité, représente volontiers des femmes très parées et embellies par toutes les pompes artificielles, à quel ordre de la société qu'elles appartiennent. Tantôt frappé par la clarté diffuse d'une salle de spectacle, y recevant et renvoyant la lumière avec leurs bijoux, avec leurs épaules, apparaissent, resplendissantes comme des portraits dans la loge qui leur sert de cadre, des jeunes filles du meilleur monde. Tantôt, émergeant du monde inférieur, fière d'apparaître enfin au soleil de la rampe, des filles de petit théâtre, la main aussi, fragiles, plus en arrière, c'est ça, très bien. Sur leur forme tournez-vous vers moi, les épaules. Des travestissements absurdes. Encore. Qui ne sont d'aucun. Vas-y. Et qui font leur joie. Tantôt des femmes qui ont exagéré la mode jusqu'à en altérer la grâce et en détruire l'intention. Balayer fastueusement les parquets. Je voudrais que vous levez le derrière. Leur charge. Elles vont, elles viennent, passent et repassent. Prends un œil comme celui des autres. Yeah, that's good. Right, sur un fond de lumière infernale ou sur un fond d'aurore boréale, that's it. Okay. Sur ces fonds magiques imitant les feux du Bengale, s'enlève l'image variée de la beauté intérieure. Ici, majestueuse. That's it, that's it. Okay, dear. Tantôt svelte, graine. You're doing very nicely. Tantôt cyclopée. Très bien. Tantôt petite et pétillante. Tantôt lourde et monumentale. Elle a inventé une élégance provocante et barbare. Ou bien elle vise beaucoup moins de bonheur à la simplicité usitée dans le meilleur. Relax. Elle s'avance, glisse, danse, roule. Avec son poids. Quand ça fait mal, hein? Ça fait mal tout le temps. Non, mais... Elle darde son regard sous son chapeau, comme un portrait dans son cadre. Elle représente bien la sauvagerie dans la civilisation. Vous partez? Oui, oui. Comme maintenant, je suis finie avant l'autre fille, alors lui, il a encore des photos à faire et tout ça. Mais non, des fois, on va prendre un café, mais... Et ça vous plaît, ce que vous faites? Oui, beaucoup. On peut travailler les heures qu'on veut. C'est plus ou moins. Il y a des fois qu'il faut se lever très tôt le matin, mais normalement, on peut, si on ne veut pas travailler un jour, on dit on ne veut pas et... Ça va pas, on voyage beaucoup et c'est bien. Des fois, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile que beaucoup de gens y pensent, mais c'est pas mal. Je préfère ça que de travailler dans un bureau. Des fois, on est dans la position comme vous avez vu là, qui sont pas très confortables, mais c'est pas. C'est agréable de se voir dans les magazines. Ah oui, oui. Oui, c'est toujours bien de voir. C'est le meilleur part de travail, c'est quand on veut voir les photos. Mm-hmm. Je me suis dit, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Il faut que je sois moi-même. J'ai envie de faire les beaux-arts. Peut-être que je ne gagnerai pas ma vie. Peut-être que je crèverai la faim. Peut-être que... Mais il faut que je le fasse, puisque... Marie-Yvonne Gillot. Tout, j'ai toujours eu envie de le faire, tu vois. Je me dis, essayer un bon coup, essayer d'aller à fond. Et finalement, je ne pensais pas du tout que je ferais de la photographie. Je crois que c'est la plus grande surprise de ma vie, d'être photographe. Alors, ça ne me serait jamais venu à l'idée, je ne sais pas. Pourquoi ? Je crois que j'avais très, très peur de l'appareil photo. Mon mari faisait de la photo en amateur. Et ils étaient toujours en train de discuter avec d'autres amateurs, des tas de problèmes techniques, des tas de choses. Ils m'effrayaient complètement. Il m'a tellement effrayée que je l'amenais prendre mes photographies. Au début, c'est lui, je l'amenais prendre mes premières photographies. Et un jour, on s'est disputé dans Marseille parce qu'il ne cadrait pas comme je voulais. C'est un géranium. Il avait pas, moi, je voulais que ce soit en bas et puis qu'il y ait l'espace du mur en haut. Mais il n'avait pas cadré comme je voulais. Et on s'est disputé. Il m'a laissé tomber avec cet appareil en plein Marseille. Il m'a dit, bon, ben débrouille-toi. Comment je veux faire? Appuyer sur le bouton, ça me semblait quelque chose d'absolument dramatique, d'horrible. Les histoires d'hasard, de trucs d'ouverture, il me parlait de profondeur de champ, de tas de choses comme ça, mais je disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est vraiment très, très compliqué. J'ai travaillé pendant un certain temps pour des journaux, et il s'est trouvé que j'ai fait même des photos pour des journaux comme Playboy ou Lui, que je signais pas de mon nom d'ailleurs, mais je sais les photos. Et j'ai finalement... Rétrospectivement, je pense que j'ai appris des choses. Parce que j'ai appris, au lieu de faire de la nature morte et d'avoir une source de lumière, le sujet et puis mon appareil, j'ai fait ça avec des gens vivants, sur des gens vivants. C'est quand même plus drôle, quelquefois, que de faire de la nature morte, parce que je crois que j'en étais incapable. Et finalement, après, je me suis aperçu que quand je faisais un homme politique, un ministre, il y avait la même attitude que ce mannequin surpayé de Playboy. Où voulez-vous que je me mette ? Il y avait une fenêtre, il y avait un petit abat-jour, et moi j'avais avec mon pied mon appareil. Et tous les deux avaient le même but. C'est-à-dire qu'ils voulaient que je fasse une belle photo d'eux. Belle en tant que belle. Et ça m'a servi beaucoup parce qu'il y a un jeu de jambes qu'il faut aller très très vite. Il y a un jeu de jambes, il y a une direction, il y a un jeu de lumière. Pour le visage, c'est la même chose. Vous avez quelquefois un éclairage défectueux. Vous avez Simone Erra. Besoin d'embellir un visage. Ça, vous ne pourrez jamais empêcher ça. Hein? Une femme, quelle qu'elle soit, aussi intelligente qu'elle soit, elle aime mieux voir une seule petite ride que trois ou quatre. Hein? Ça, c'est tout à fait logique. Alors, il y a le petit côté, puis mon Dieu, il y a un petit bourrelet de graisse, et ben on le fait sauter, et puis voilà, si l'oreille est trop grande, on la diminue, et puis enfin bref, ça c'est toutes les petites choses qui restent et qui resteront toujours. Pour moi, chaque modèle, c'est un autre problème. Hein? Henry Clark. C'est pas possible pour dire une chose unie, parce que si c'est un manteau, ça dépend de l'ambiance, de le modèle, c'est-à-dire la robe. C'est, enfin, je voulais voir, c'est-à-dire avant mes séances, toujours la robe en face. Pour le jouer après au sur les balcons. Et comme ça, si par hasard je connaissais c'était une chose, robe de soie, une série de photos de robe de soie, je pense de quelque chose qui marche avec la robe. Une ambiance, si c'était extérieurement dans le studio, si c'est dans le studio, pour trouver les éléments qui marchent avec ça. Moi, j'aime la photo complète. Bon, et ben si ce sont les choses très vivantes, très jeunes, naturellement, dehors, en mouvement. Je bouge avec les filles. Chaque chose est différente. Bon, ben alors je vais le dire. Hein. Chaque okay. Problème. Personnalité aussi, c'était différent. Souvent avec la personnalité, je trouve que c'était plus facile si vous allez chez elle. Parce qu'elle, elle est plus confortable. Parce que ce n'est pas facile pour la femme, pas professionnelle pour poser. Hein. C'était un problème. Mais si elle est chez elle, assise dans l'ambiance, elle est plus vivante, elle donne plus. Mais je trouve ça, pour moi, ça marche le mieux. Mais comme je vous dis, chaque séance, c'est un autre problème. Ça dépend. Quand je suis allée dans la rue, tu vois, là, j'ai mitraillé des tas de choses comme ça. Avec cette mariée qui se retrouve toute seule. Voilà, alors après avoir fait tout ça, si tu veux, je me suis trouvée à l'intérieur de ma maison, et puis il y avait des moments où je me trouvais seule. Et puis je me suis mise à regarder ce qui se passait autour de moi, dans les pièces. Je me suis mise à regarder de façon un peu différente ce que je regardais d'habitude de façon ménagère, c'est-à-dire les carreaux bien astiqués, les tas de choses. Tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que je ne pourrais pas regarder ça d'une façon différente? Alors j'ai regardé, puis j'ai vu la lumière qui arrivait, qui repartait, qui bougeait, qui faisait des tas de choses. Et bon, ça m'a donné envie de prendre l'appareil et puis de... Ça, c'est toujours la projection de la fenêtre. À chaque fois, c'est pareil, tu vois. C'est la projection de la fenêtre sur le sol. Alors, ça se passe parfois sur le sol, parfois c'est sur un mur, parfois c'est sur le plafond. Enfin, je crois que tous les endroits de la maison, ils sont passés. Pour définir une fois de plus le genre de sujet préféré par l'artiste, nous dirons que c'est la pompe de la vie, telle qu'elle s'offre dans les capitales du monde civilisé, la pompe de la vie militaire, de la vie élégante, de la vie galante. Tony Ken, du 2 au 9. Quel est ce cavalier aux moustaches blanches, d'une physionomie si vivement dessinée, qui, la tête relevée, a l'air de humer la terrible poésie d'un champ de bataille, pendant que son cheval, flairant la terre, cherche son chemin entre les cadavres amoncelés, pieds en l'air, face crispée, dans des attitudes étranges. 5, 6, 7, 8, au bas du dessin, dans un 12. Coin. Alors le 5. Pour lire, c'est il y a eu Carmen et Ginette. Inkerman. L'œil se promène tour à tour au bord du Danube, au Rive et du Bosphore, au Cap Kherson, dans la plaine de Balaklava, dans les champs d'Inkerman. Oui, mais ça, ça y est, elle est payée. Le 7, Caroline de l'Étrange. Dans les rues de Constantinople, dans les hôpitaux et dans toutes les solennités religieuses et militaires. Le 8, Margot et Janice. La bataille de Balaklava se présente plusieurs fois. Margot et Janice. Le 7, Janice. Parmi les plus frappants, voici l'historique charge de cavalerie chantée par la trompette héroïque d'Alfred Dessart. Je crois qu'on la verra pas parce que c'est... Une foule de cavaliers roule avec une vitesse prodigieuse jusqu'à l'horizon, entre les lourds nuages de l'artillerie. Au fond, le paysage est barré par une ligne de collines. Alors, elle passera comme personnalité. De temps en temps, le 12, Ginette jusqu'à 12 heures. Juana, c'est la même chose. Au milieu des soldats anglais de différentes armes, parmi lesquels éclatent les pittoresques uniformes des Écossais en jupons, un prêtre anglican lit l'office du dimanche. Trois tambours, dont le premier est supporté par les deux autres, lui servent de pupitre. Tantôt apparaissent des ambulances où l'atmosphère elle-même semble malade. Guy Bourdin, 12 novembre au 12 et 13 novembre. Contient une douleur. Tantôt sur des sentiers âpres et sinueux, jonchés de quelques débris. Sarah Moon, 13 et 14. Cheminent lentement des animaux qui portent sur leur flanc. Non, dans deux grossiers Paris, fauteuils, des blessés livides. Ah, bon, alors, des chameaux au poitrail majestueux, la tête haute, conduits par des tartares, reines de provisions ou des munitions. Joe Gaffney, le 15 novembre, Susie Amis. C'est tout un monde guerrier, vivant, affairé. Jusqu'à 14h30. Et oui, mais enfin, ça, si elle a été demandée pour la journée, je peux rien faire de mieux. Non, elle a été demandée jusqu'à 14h30. Horst, le 14, oui. L'Italie, oui. Ginette et Margot. Oui. Le 15, Sophie et Dana. Oui. Le 16, Sophie et Ginette. Oui. Le 19, aujourd'hui, Ramona. Yasmine et Ramona. Ouais. Demain, Saint-Laurent, rédaction. Hein. Oui, mais dis donc, peut-être que demain, il vaudrait peut-être mieux attendre. Bon. Parce que... Hein, pour moi, l'excitation que j'ai dans certains... circonstances, quand je vois certains rapports de couleurs, Harry Gruyart, lumière, tout ça, il y a une excitation qui se fait, qui n'est pas la même excitation que pour faire un photographe noir et blanc, qui est, c'est pas la même chose. Pour moi, pour travailler bien, il faut que je sois excité. Si je suis pas excité, ça ne va pas. C'est très physique, c'est très bon. Il y a des trucs comme ça qui sont très... La photo, de toute façon, est une chose très, très physique. C'est un rapport avec les gens. C'est un genre de danse bizarre, comme ça, avec tous les éléments tournés autour et tout ça. Mais peut-être que la photo couleur est encore plus physique. Je crois que c'est plus physique encore. Ouais. Un père jésuite, le père Richomme, qui est un reste avant jésuite du XVIIe, écrit également « Les images sont merveilleusement excitantes ». Et alors ça, c'est important. Alors là, nous sommes en mouvement, en montagne, en hiver, sous la neige, dans la neige. La voiture roule, il neige. André Martin. Même chose, la voiture apparaît loin, en sortie de virage, et elle va venir vers moi, et je vais la shooter plusieurs fois. Là, nous sommes à nouveau en sous-bois, en description. La voiture est très brillante. Elle a été préparée de façon à ce qu'elle brille au maximum. Et la lumière tombe à travers des arbres sur la carrosserie, qui est très brillante. Quand on fait des photos de voiture, je pense qu'on a deux motivations, si vous voulez. D'abord, la description de la voiture, montrer son côté brillant, lisse, et puis ensuite la montrer en mouvement. Une voiture, c'est fait pour rouler, donc il faut la montrer roulant. C'est assez souvent à ce moment-là qu'elle est la plus belle. Une voiture est faite pour cela. Et j'aime bien à ce propos faire des photos où l'on sente la vitesse, où l'on sente l'air glisser sur la carrosserie, où l'on sente le bruit, où l'on sent qu'il y a sous le capot un moteur puissant. Il y a beaucoup d'images visuelles ces jours avec la télévision et toutes les affiches et la publicité dans la rue. On est toujours frappé par les choses en couleur. Et le couleur donne beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup plus la réalité qu'il attrape. Et il utilise ça, et la tension entre les couleurs, il utilise ça, il crée des niveaux différents avec les couleurs, comme le bleu, ça recède un peu plus que le rouge, qui est vraiment frappant. Et il y a des artistes maintenant qui jouent avec ça. Il n'y a rien d'aussi photogénique que la violence, les guerres et les bagarres. Je pense que oui, Lewis Hine, c'est un témoin très important dans cette façon d'avoir photographié ces enfants qui travaillent à l'âge de 8-10 ans dans ces grandes filatures. Claude Raymond dit Yvon. C'est Welker Evans, bon, travaillant pour la Farm Security. Bon, ouais. Quand on regarde les images de la Farm Security, c'est sûr qu'ils aiment ça, quoi. La misère, c'est très photographique, enfin, c'est très photogénique. Oui, c'est ça que je voulais un peu dire, si vous voulez. C'est vrai que moi, en travaillant, en étant témoin et en travaillant sur la Marée l'année dernière, je me suis quand même bien rendu compte que je jouissais du spectacle, que cette marée noire sur cette eau, tout ça, c'est très beau, ça apporte des éléments visuels fantastiques. Bon, mais ce qui était important pour moi, c'était quand même malgré tout de montrer ce drame humain. Et je crois quand même, à travers certaines images, y avoir fait passer quelque chose. Mais sans oublier que moi, derrière tout ça, je suis quelqu'un qui s'est senti des fois très très bien, bien dans sa peau, à photographier tous ces éléments spectaculaires. Alors je crois que c'est ce que devrait dire aussi peut-être un reporter de guerre. C'est pour ça que j'ai soulevé cette question. C'est que j'entends rarement ce genre de témoignage. L'appareil photo, c'est comme le casque du pompier, ça donne du courage, hein, vraiment. Par exemple, j'aime pas la vue du sang, c'est une chose qui m'est désagréable. Et je photographie une opération à condition d'avoir mon appareil photo. Comme tout le monde, j'ai un peu le vertige, mais je peux grimper sur un pylône si j'ai mon appareil photo. Je peux aller dans un aéroplane sans porte, sans rien du tout, faire des photos d'un autre avion si j'ai mon appareil photo. Normalement, j'aurais une trouille épouvantable, je serais un ver de peur. Là, non. Là, je suis prisonnier d'images. Dans le fond, c'est moi le lapin, hein, c'est l'image de chasseur. Il ne se passe rien, souvent il ne se passe rien. C'est très décevant. On est déçu. C'est dangereux. D'abord, on ne peut pas se placer au bon endroit. Et moi, j'en parle en souriant. Je ne recherche pas la guerre. Il m'a été déjà donné de faire de la guerre. J'en ferai certainement encore. C'est certain que je me retrouverai encore un jour au coin d'une rue, pas très à l'aise. Mal placé comme ça, et ça tirera de partout. Et je me dirai, mais qu'est-ce que je fais là? Et il y aura une espèce de mélange d'orgueil, de pas vouloir avoir peur, d'avoir accepté finalement de couvrir cette histoire. Et pourquoi je serais là? Je ne suis pas fasciné. Je pense que des gens comme Caron, Capa, à un moment donné, au bout des années, ils en étaient fascinés. Il y avait une fascination, même s'ils la dénonçaient, même s'ils étaient contre. Finalement, il y a tout un petit milieu comme ça. C'est typique à l'époque, c'était la Belle Ferronnière, près de café qui était en face de Paris Match, où vous ne pouviez pas passer sur le trottoir en face sans rencontrer trois journalistes, trois photographes qui vous auraient dit, tiens, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, de quelle guerre tu reviens. Et c'est un cliché, c'est une mythologie, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours évité ce cliché. Je ne passe pas pour un photographe de guerre. Je ne passe pas pour un grand reporter de ce style-là. Or que Caron a pas su l'éviter à un moment donné. Et qu'il en ait même été victime. Parce que je me souviens très bien, à une époque, il y avait tellement une réputation à ça, c'est qu'à un moment donné, il lui disait, mais pourquoi t'es pas là-bas? Pourquoi t'es pas parti en Iran? Pourquoi t'es pas au Liban? Pourquoi t'es pas au Vietnam? Et qui finalement, une espèce de collection comme ça, qui faisait, qui se retournait vers moi, il me disait, mais oui, finalement, pourquoi je n'y pars pas au Cambodge? Et puis, bon, il est arrivé ce qui est arrivé, on ne revient pas. On s'est trouvé en 1951 à Londres pour la couverture des élections anglaises. Gassman. Après la guerre. Et bien sûr, Capa avait choisi de faire les reportages dans les quartiers travaillistes. David Seymour, bon vivant, dans les quartiers des libéraux. Et on avait donné à Henri le quartier des conservateurs. Au déjeuner, on s'est retrouvés autour de la table. Henri, tout fou, furieux, il dit, oui, vous avez toujours pris le raisin dans le gâteau, mais chez les conservateurs, il ne se passe rien. Alors, Capa se retourne sur lui et lui dit, mais alors pourquoi tu ne le photographies pas? Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a l'image, le cliché d'avoir toujours photographié des événements très très importants et d'avoir été même plutôt un témoin qui a photographié, qui connaissait bien le fait qu'il ne se passe rien, que c'est ça. Parce qu'il y a vraiment la guerre, il ne se passe rien. Je pense que la photo la plus violente de Capa, pour moi, c'est pas une photo de guerre. C'est la photo à Chartres de la collaboratrice qui a les yeux, les cheveux tondus et que tout le monde emmène et rigole. Il y a la mairie, il y a le drapeau français derrière, il y a les enfants, il y a les gardes champêtres, il y a les lâches, il y a les maquisards, il y a tout le monde. Bien sûr, il faut montrer les corps qui brûlent au Nicaragua, au Vietnam, ou n'importe où. Bien sûr, il faut le montrer. Baïtel. Mais je me demande si ça a la même importance que la violence quotidienne. La violence où on se fait pas mal avec se donner des coups, mais on se fait mal par se regarder. Cette photo, elle a été prise au Castellet au Grand Prix de France motocycliste. Glohagen. Moi, j'aime bien quand, quelquefois, les corps, les silhouettes des gens sont un peu difficilement identifiables. On a du mal à savoir où c'est et à savoir qui c'est. C'est-à-dire dans cette réalité qui est celle du reporter, il y avait la foule, il y avait des motos, ça faisait beaucoup de bruit, il y avait des tas de gens. Et puis, en me promenant comme ça, tout d'un coup, je suis arrivé au bord d'une sorte de bassin, si vous voulez, qui aurait pu être une mer, vous voyez, mais à la fois c'était une sorte de mer noire, ça aurait pu être du sang, ça aurait pu être... Bon, c'était de l'asphalte. Bon, je pense que c'était en fait un bassin où il y avait de l'eau en cas d'incendie. Bon, il y avait donc une sorte de paysage complètement macadamisé. Prenait un air tout à fait inquiétant. On aurait dit, bon, une sorte d'accident. Il y avait une sorte d'atmosphère d'accident. Et puis, sur cette plage en béton, il y avait deux corps noirs, parce que c'était des gars, un gars et une fille, des motards, donc, qui étaient habillés en cuir, enfin, d'une motard, donc souvent sombre. Il y avait ces deux corps sombre sur cette plage en béton avec du bitume et puis comme il faisait très chaud, ça avait coulé, on aurait dit du sang. Il y avait une atmosphère extrêmement inquiétante, mais c'est pas suffisant. C'est que tout d'un coup, là, quand j'étais au bord et puis que je les avais dans le viseur, il y a le gars, il a fait un petit geste comme ça à la fille. Bon, il a mis la main sur la cuisse de la fille. Un petit geste comme ça, inattendu, une petite tendresse, un petit truc dans cet univers infernal. Mais c'est formidable, ça. Et je suis entré chez Renault comme photographe industriel. Et je suis resté 5 ans dans cette sacrée boîte. Et vous savez, à l'époque, il y avait même les moyens d'éclairage. Le moyen principal d'éclairage pour un atelier énorme, enfin, c'est le magnésium en poudre. Et alors, le magnésium en poudre, il faut savoir la joie que ça procure, parce que c'est l'explosion. Et d'autant plus que pour faire un atelier, vous mettez 50 grammes de magnésium en poudre. Ce qui fait que ça fait une explosion comme un obus, un coup de canon de 75. Alors ça amuse bien tout le monde. Ça aide à votre popularité dans un atelier, ça. Hein. On se rappelle de vous quand vous êtes passé. Après, l'atelier est rempli de fumée pendant une heure. C'est... Ah non, j'étais le roi du magnésium. Alors je mettais un gant parce qu'on serait brûlé. Hein. Je ne fallait pas présenter. Boum ! Et hop ! Sur plaque, 18-24, direct. Oh, c'est impeccable, c'était superbe. Alors, vous avez la chaîne de montage des voitures avec 60 types. C'est davantage, qu'est-ce que tu dis ? 50 mètres de chaîne, oui, tout ça. Tous immobiles, pétrifiés par le coup de magasin, c'était superbe. Il y a plein de photographes qui ont fait des photos qui font du... Par exemple ? Il y a quelques photos de Robert Franck qui sont extraordinaires. Pour ça. On en a plein les oreilles de ces images, si j'ose dire. Vraiment. Ça tient une vibration qu'on sent dans les choses qui sont photographiées. Voyez-vous. une vibration de l'air, une vibration des machines, une vibration des hommes aussi. Je pense il y a une photo de Robert Franck qui a été faite justement dans une usine où on voit des gens qui manifestement sont tués par le bruit et le bruit alentour. C'est très extraordinaire pour ça. Henri Cartier-Bresson venait de photographier Gandhi, entouré de ses disciples. Quand on cherchait Gandhi pour s'adresser à la foule, Henri se trouvait dans l'entourage immédiat de Gandhi et va donc au meeting sur la tribune à quelques pas de Gandhi et commence à photographier. Et dans son appareil, il voit des images extraordinaires de mouvements de foule, d'une composition saisissante. Et continuer à photographier ça pendant, m'a-t-il dit, une dizaine de minutes. Et il n'y a qu'à ce moment-là, il se retourne et lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on lui dit « Mais on a tiré sur Gandhi. » Il était à quelques pas de Gandhi. Et alors il se rappelait qu'il a entendu les claquements d'un revolver. Et les images fantastiques de la fin de Gandhi, qui sont ces images de la foule émue par cet attentat, font partie des grandes images d'Henri Cartier-Bresson. Le reporter Scoop, ce sera au premier claquement, retourné pour photographier Gandhi qui s'écroule. Lui, il voyait les compositions dans la foule, les mouvements de la foule. Voilà un exemple. Atelier de création radiophonique. Radio Photo 1 à suivre. Nous remercions Jean Adhémar, Denis Briat, Jean Cartier, Christian Cojol, Monsieur Conflans, Robert Delpire, Jean Dieuzède, Monsieur Laval Jantet, Jean-Claude Lemagny, Madame de Lorraine, l'agence Magnum, Tania Moureau, Monsieur Perriot, Michel Quétin, les Rencontres internationales de la photographie, la Société française de photographie, Jean Thibaudeau. big as a spirit. Music is life, life is sometimes not understood, but felt. Music causes all bad vibrations to fade away. It makes one want to love instead of hate. It puts the mind in a healthy state of thought. It reconciles, unites, become a one. It brings about a state of wholeness and purifies. Oh, let it come in. Oh, let it come in. The music of the universe, the music of love, be here, be here, be here, be here. Music is the healing force of the universe. Music of love. Music is giving. Music is greatness. It's never complete. It is a being. It's always there to feel, to let in, to become obsessed by, to be healed by. So open up your door and let it come in. Let it into the very interior of your soul. Sometimes our very soul is in need of spiritual medication. We do not always need the pill and its contents. Just open up your heart and soul and let it come in. The music.